La météo demain, les nuages seront encore nombreux et très localement on n'exclut pas à nouveau quelques gouttes. Dans l'après-midi, un soleil plus franc reviendra par l'ouest et on aura droit à de belles éclaircies au littoral. Vers l'est, on gardera un petit risque d'ondées, mais généralement le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux. Les maxima restent bloqués entre 13 et entre 17 pardon et 22 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. C'est un challenge, l'équipe belge est respectée, il faut que ça continue. Le nouvel entraîneur des Diables Rouges se dit fier d'avoir été choisi par l'Union Belge. Nous entendrons Roberto Martinez dans ce journal. Un sentiment d'impuissance, c'est ce que ressent l'ancien juge d'instruction antiterroriste français Marc Trévidic. En mai 2015, il avait arrêté Abdel Kermich, le tueur de Saint-Étienne-du-Vouvray. On n'a rien pu faire finalement, c'est un peu l'impression. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, puisqu'ils vont dans l'horreur quand même. Interview du juge antiterroriste dans ce journal. Soigner son cholestérol est dangereux, ne pas le soigner aussi. Une polémique est née après la publication d'un bouquin qui a poussé des milliers de personnes à arrêter leur traitement. La baie de Guanabara, très sale, le navigateur de l'équipe belge l'a constaté. On croise de tout dans l'eau. Le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Costume bleu aviateur, look dandy, calme et souriant sous les flashs des photographes. On parle de Roberto Martinez qui a fait sa joyeuse entrée. Roberto Martinez, c'est celui qui remplacera Marc Wilmots chez les Diables. L'Espagnol de 43 ans, ancien entraîneur d'Everton, l'a dit ce midi. Il veut s'intégrer. Il est surtout très honoré d'avoir été choisi. J'ai eu un sentiment très spécial lors de mon entretien avec la Fédération belge. Je me suis rendu compte qu'entraîner cette équipe nationale était pour moi un challenge incroyable. Vous le savez, j'ai déjà beaucoup travaillé avec des joueurs belges. La Belgique est déjà assez respectée par ses adversaires. Et bien notre but, c'est de continuer à travailler et faire en sorte que nos adversaires nous respectent toujours plus. Nous devons développer une culture quotidienne du travail qui va nous permettre de pousser notre équipe aussi loin que possible. Je suis une personne humble et honnête, mais surtout quelqu'un de très fier de diriger cette équipe. À présent, nous pouvons débuter ce voyage un peu particulier et ensemble convaincre ces joueurs qu'ils ont le monde à leurs pieds. Roberto Martinez avec Pascal Chimet. Il a dit aussi qu'il voulait s'intégrer et apprendre la langue. Pas nécessairement les trois, mais au moins une langue du pays. Et il veut faire de Romelu Lukaku une machine à marquer des buts. Pas de réaction des joueurs en ce moment, à part celle de Thibaut Courtois qui se réjouit de rencontrer le nouvel entraîneur et de travailler avec lui. Premier match amical le 1er septembre contre l'Espagne, son pays d'origine. Le témoignage d'un magistrat à présent, et pas n'importe lequel, celui de Marc Trévidic, l'ancien juge d'instruction au pôle antiterrorisme de Paris. C'est lui qui, pour la première fois, a arrêté Abdel Kermich, l'homme qui a tué le curé de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Abdel Kermich avait déjà tenté à deux reprises de rejoindre la Syrie, il était manifestement radicalisé, alors Marc Trévidic l'avait fait mettre en prison, prison dont il sort en mars dernier avec un bracelet électronique. Sébastien Joris, bonsoir. Bonsoir. Alors, une semaine après l'attentat de Normandie, dans quel état d'esprit se trouve ce magistrat aujourd'hui ? Consterné, mais pas surpris. Ce sont les mots qu'il utilise. En fait, on perçoit chez lui un sentiment d'impuissance et cela transparaît dès la première minute de cet entretien. C'est une impression très curieuse quand ce sont des gens que vous avez eu en face de vous, vous avez interrogé, de voir qu'ils sont allés jusqu'au bout, qu'ils ont pu commettre des actes aussi horribles que ça. Voilà, on n'a rien pu faire finalement, c'est un peu l'impression. On les a arrêtés, on les a mis en prison, ils finissent par sortir de prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, puisqu'ils vont dans l'horreur quand même. Sentiment d'impuissance, mais en même temps la volonté de lutter contre. Et comme il n'est plus en fonction dans l'antiterrorisme, il choisit de partager son expérience. Reprenons le cas d'Adel Kermich, un des terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray. Marc Trévidic l'avait en effet placé en détention provisoire, mais un autre juge l'a libéré et placé sous bracelet électronique. Chaque juge est libre de ses décisions. Je dis quand même une chose, c'est qu'il faut de nombreuses années pour commencer à pouvoir, grâce à une certaine expérience, repérer quand même ceux qui sont dans la dissimulation des autres. vous sentez qu'ils sont quelque chose de pas net, il y a une attitude, quelque chose d'un peu glacé. Alors Sébastien, on parle ici d'expérience pour mener, pour interpréter des auditions. Mais après, selon Marc Trévidic, qu'est-ce qu'on fait avec ces individus considérés comme dangereux ? C'est en effet toute la question posée par le cas d'Adèle Kermiche, mais aussi par beaucoup d'autres. Soit on place ces personnes en détention, mais elles seront libérées un jour, et elles ne sortiront pas nécessairement meilleures, on le sait. Soit ces personnes sont placées sous bracelet électronique, mais on a vu que ça ne protégeait pas d'un passage à l'acte. Donc Marc Trévidic regrette que le juge d'instruction français n'ait pas d'autre choix. Il n'a pas la troisième voie qui serait un centre de déréglisation fermé, hein, où il mettrait à la place de la prison, par exemple. Hein. Mais on n'a pas cette possibilité. Or, il faut traiter les gens avec les particularités qu'ils présentent. On ne peut pas utiliser le système de droit commun pour des profits qui n'ont rien à voir. De manière générale, quels que soient les choix, et on parle ici de choix politiques, mais quels que soient ces choix, Marc Trévidic plaide pour le respect absolu du droit et des principes de la démocratie. Il met en garde contre des mesures chocs qu'il considère comme inefficaces, voire contre-productives. Beaucoup de gens ont été assignés à résidence dans le cadre d'état d'urgence en France, c'est encore le cas. La plupart sont sortis au bout de 3 mois. Il ne s'est rien passé. Certains ont perdu leur travail, effectivement. Certains nous détestent encore plus qu'avant, parce que leur porte a été pétée à 4h du matin. Donc on n'a pas du tout résolu le problème, puisqu'ils sont encore plus dangereux. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait, parce que c'est de la matière humaine. Et pour conclure, Sébastien, comment Marc Trévidic voit-il l'avenir ? Eh bien, il se déclare très pessimiste pour le court terme, plus optimiste à moyen terme. Il considère que le terrorisme tel qu'on le connaît aujourd'hui pourrait finir par s'essouffler. Sébastien Joris, merci. Avec Quentin Warlop, et cet entretien est à voir ce soir dans le journal télévisé. À Londres, l'attaque au couteau qui a fait 1 mort et 5 blessés hier soir dans un quartier situé près du British Museum est l'œuvre d'un homme dérangé mentalement. C'est un Norvégien de 19 ans, originaire de Somalie, et il ne présentait pas de signes de radicalisation. Tahor, Elisor, Zocor, Crestor, tous ces médicaments sont des statines, et en Belgique, une personne sur 7 en consomme pour soigner son cholestérol. Oui, mais de nos jours, ces médicaments sont très décriés, à tel point que certaines personnes ont arrêté leur traitement sans consulter leur médecin et en sont peut-être mortes. Tout ça à cause d'un livre publié en 2012 où les statines sont présentées comme des médicaments utiles mais aussi inutiles et dangereux. L'affaire fait polémique dans Le Soir ce matin. Françoise Berlaimont a demandé à Olivier de Coster, cardiologue, si les chiffres de cette étude bordelaise qui fait état de 2000 morts à cause de l'arrêt du traitement, si ces chiffres étaient plausibles. Plausibles dans les chiffres, difficiles à évaluer, mais dans son résultat, oui, puisqu'on sait depuis très longtemps que les statines diminuent la mortalité des cas cardiovasculaires. Chez quelqu'un d'hypertendu qui a des facteurs de risque importants, familiaux ou éventuellement diabétiques, si on arrête ces médicaments-là, on sait qu'automatiquement, on va retrouver les anciens chiffres qu'on avait et qu'automatiquement, on va rehausser la mortalité cardiovasculaire parce que les statines sont efficaces dans le traitement. Le professeur Evin dit qu'il ne faut pas donner des statines à tout le monde, n'importe comment, et ça, vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Tout à fait, c'est un peu le drame qu'on a eu. En Belgique, on a quand même une norme bien claire au départ pour donner ces médicaments. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. On les trouve dans n'importe quel magasin. Et les gens, lisant un peu des articles, ont commencé à en prendre avec tous les effets secondaires qu'on connaît parce que c'était mal donné dans des mauvaises circonstances à des doses tout à fait non valables. Olivier de Coster avec Françoise Berlaimont. Les plaintes pour maltraitance animale explosent en Wallonie. Depuis le transfert de cette compétence du fédéral vers les régions, le nombre de plaintes a doublé. Mais derrière ces chiffres, il n'y a pas plus d'animaux maltraités qu'avant. Il est simplement devenu plus simple de porter plainte, Monica Wachter. Stéphanie Renard travaille au service répression de l'unité bien-être animal. J'encode toutes les plaintes qui rentrent dans le service, je les analyse et puis je les transmets à mes collègues. Depuis la régionalisation en 2014, elle reçoit beaucoup plus de plaintes. On passera d'ici la fin d'année à 2000 contre 1000 plaintes du temps du fédéral. Mais il faut relativiser ces chiffres. Nicolas Yernaud, porte-parole du service public de Wallonie. La maltraitance n'a pas explosé entre 2014 et 2016. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cela, il y a eu pas mal de publicité sur la chose parce que ça a été une des premières matières justement à être régionalisée. Et le deuxième élément, c'est que le formulaire de plainte est vraiment beaucoup mieux référencé qu'auparavant. On porte donc plus facilement plainte via Internet, mais il faut séparer le vrai du faux. Donc on reçoit des plaintes notamment pour des aboiements intempestifs, donc des personnes qui n'ont pas réussi à trouver de solution avec le voisinage et qui, pour essayer de trouver un dernier recours, nous contactent en exagérant peut-être parfois les situations et en espérant une intervention de notre service. Mais malheureusement, nous ne sommes pas compétents. Dans 80% des cas, il ne s'agit pas de cas de maltraitance, mais bien de querelles de voisinage ou de faits mineurs où la maltraitance n'est absolument pas engagée. En attendant, le travail est là. Heureusement, le service a engagé du personnel. Des travaux d'envergure qui viennent de commencer à Jodogne. On dégage les gravats du hall sportif ravagé par les violentes tempêtes du mois de juin. Pour l'instant, les clubs n'ont rien pu récupérer. Il faudra le feu vert des assurances pour pouvoir accéder au lieu. Pour la reconstruction, la décision n'est pas encore prise. Une réunion est prévue après le 15 août. En attendant, les clubs sportifs occupent d'autres salles des communes alentours. À Rio, une première mauvaise nouvelle pour les Red Lions, l'équipe de hockey. Oui, l'équipe de hockey va devoir se passer des services de Tom Bone. Il souffre d'une déchirure à la cuisse droite. Une petite déchirure, mais elle l'empêchera quand même de participer au premier match du tournoi. Il espère pouvoir jouer la semaine prochaine. On connaît aussi le porte-drapeau de la délégation belge, porte-drapeau de charme. Olivia Borlée emmènera les Belges à la cérémonie d'ouverture. Olivia Borlée, médaillée d'argent à Londres, succède à Tia Hellebaut. Et puis à Rio, tout n'est décidément pas parfaitement au point. Les navigateurs ont pu s'en rendre compte. La baie de Guanabara, où se déroulent les épreuves de voile, est un véritable dépotoir. On y trouve de tout, jugé plutôt avec le navigateur belge Wannes Van Laar. J'ai vu un cheval mort, j'ai vu des frigos, des canapés. Il y avait de quoi construire une maison. Donc, si quelqu'un cherche des meubles ou quoi que ce soit, ben, dans la baie, il y a assez. Mais c'était surtout en 2013, quand on est venu au début, c'était terrible. Il y avait des gros objets, tout ça. Maintenant, les gros objets, tout ça, ils ont plus ou moins disparu. Mais la qualité de l'eau est toujours très mauvaise. On peut râler tout ce qu'on veut, mais bon, c'est l'eau qu'on aura. Et voilà, il faut faire ce qu'on a. Pas trop y penser. Il faut être prudent, bien sûr. Chaque fois, bien rincer les bouteilles et essayer d'avaler le moins possible d'eau. Mais bon, quand on fait du sport, c'est dur de garder la bouche fermée ou quoi que ce soit, donc on a de toute façon un peu d'eau qui rentrera, mais non, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème, donc ça devrait aller. Et on lui souhaite bon courage, Wannes Van Laar avec David Bertrand. On sait aussi depuis cet après-midi que David Goffin, 8e tête de série du tournoi olympique, rencontrera Sam Gross, un Australien de 28 ans, 70e joueur mondial. C'est un grand classique des vacances, mais il faut le rappeler, creuser un grand trou dans le sable, ça peut être dangereux. Ça peut même tourner très mal. Ce jeu a mal tourné à Molietz dans les Landes, c'est dans le sud de la France. Il a fallu l'intervention des sauveteurs et de plusieurs touristes pour sauver un jeune homme de 21 ans, un vacancier parisien. Il avait creusé un trou dans le sable, mais une fois à l'intérieur de ce trou, le sable a commencé à lui retomber dessus et à l'ensevelir. La suite, c'est Clément Guerre de Radio France qui la raconte. L'alerte est donnée par des vacanciers à 18h45 sur la plage sud de Molietz. Le garçon a du sable jusqu'à la tête. Quelques minutes avant, il a creusé un trou de 2 mètres de profondeur, s'y est assis et enterré. Autour de lui, 9 mètres nageurs, mais impossible d'approcher le jeune homme. Le sable tout proche menace de l'ensevelir. Pour récupérer le jeune garçon, les sauveteurs forment donc une chaîne humaine. À plat ventre, le premier attrape le garçon sous les bras. Derrière lui, les autres secouristes se tirent l'un l'autre par les chevilles tout en rampant. Trois quarts d'heure plus tard, le jeune homme est sorti de son trou. Aucune blessure apparente, mais choqué. Il lui faudra un masque à oxygène et quelques minutes de repos pour s'en remettre. Les sauveteurs, eux, avertissent. Au-delà d'1,50 m de profondeur, les trous dans le sable sont dangereux. Et vous voilà prévenu. Cela dit, avec le sable mouillé, je ne suis pas sûr qu'il y a le même danger. Non, mais après, c'est agréable de faire pas des trous pour ensevelir quelqu'un, mais faire des petits châteaux de sable. Des châteaux, ça. Bien sûr. Des forteresses. Vous faites un canal pour que l'eau arrive petit à petit quand la marée monte. Ils font tout ça. Ah, tous fait ça. C'est assez fort. En plus, avec un grand-père architecte, vous imaginez les sculptures qu'on pouvait faire ? C'est génial. Je crois qu'il y a des châteaux que j'ai construits à l'époque sur la plage d'Ostende qui doivent être toujours là. Tellement c'était des vrais cours d'architecture avec le grand-père. Vous êtes un petit peu présomptueux peut-être là quand même. Non mais c'était surtout lui qui faisait. Moi je regardais parce que j'étais pas bon. Est-ce qu'il mettait le bureau aussi et l'imprimante comme on voit dans certaines publicités. Ah mais c'était impressionnant. Il faisait des calculs et tout. Vous faisiez quoi à la mer? Moi je faisais plutôt des fleurs en papier. Des fleurs en papier à la mer. Oui. Bah pourquoi ça se faisait beaucoup, ça se vend même sur la plage, mais c'est peut-être un peu vieux pour. Ah, c'est vous qui vendiez, vous passiez chouchou, fleurs en papier. Merci Manu, à tout à l'heure, 17h30. Un petit point RTBF Mobile Info, comment ça roule Pierre Collard-Bovy? Ben ça roule pas trop mal, quelques petits soucis quand même, mais surtout deux piétons qui sont en goguette sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure à hauteur de Wezembeek, qui sont sur la bande d'arrêt d'urgence, donc en principe pas trop de problèmes. Mais enfin bon, vers Waterloo, je sais pas ce qu'ils font là, mais ils n'ont pas à se balader là. Soyez en tout cas prudents. Alors sur le ring de Bruxelles précisément, ben plus que 12 minutes de temps de parcours supplémentaire pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 11 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Terminé pour l'accident sur le 42 Liège à hauteur de Sambreville. Terminé pour le véhicule en panne sur la N98 Mettez-Ligny en direction de Ligny à hauteur de Velin, donc terminé, on n'en parle plus. Et terminé également pour le matelas qui traînait sur le 42 Mons-Namur. Il était ramassé à hauteur de Dossou. Un objet encombrant toujours là sont des rondins de bois sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles à hauteur de Votem. Les voies de gauche centrale sont neutralisées en direction de Bruxelles. Et puis toujours ces ralentissements sur le 40 Bruxelles-Ostende, même si ça va un tout petit peu mieux. De 30 minutes, on est passé à 25 minutes perdues vers Ostende entre Alost et Mel. En revanche, sur la N9 entre Wetteren et Mel, vous perdez toujours une trentaine de minutes, une demi-heure donc en direction de la côte également. Et on rappelle encore une fois ce contrôle de vitesse sur la N4 à Grand-Namur entre Attert et Martelange en direction de Namur. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Beaucoup de choses à faire jusqu'à 19h. Installez-vous bien. Je ne sais pas si vous êtes dans la voiture, au travail encore. Si c'est le cas, mais courage à vous. Pendant 2 heures, on va faire le tour de tout ce qui s'est passé tout au long de la journée. Et il s'en est passé des choses aujourd'hui. Par exemple, la police de Waterloo a lancé un avis de recherche, mais pas n'importe lequel. On est à la recherche d'une tortue. Ça ne rigole pas. On aura la police de Waterloo qui sera avec nous tout à l'heure pour nous expliquer justement si c'est régulier ou pas. Et surtout, si on a des nouvelles de la tortue quand même. Une tortue qui a disparu, c'est pas n'importe quoi. On y revient tout à l'heure dans le 5 à 7. Tant qu'on est dans les animaux, il y a des gorilles qui font leur apparition à Paradisea et je vous offrirai vos places pour aller les voir, ces gorilles à Paradisea. Restez bien dans le coin, ça arrive dans le 5 à 7. On prend la direction de Rio, vous savez qu'il y a toute l'équipe des sports, de la rédaction des sports qui est arrivée sur place. Alors on parle beaucoup de Rio, il y a des choses qui sont prêtes, d'autres qui sont pas, d'autres qui sont bien, certaines pas. On fera le point avec Lise Burion qui sera en direct de Rio tout à l'heure dans cette émission. Dans l'actu aujourd'hui, les médicaments qui sont périmés, qui sont quand même consommables. Alors certains on peut les prendre, même quand la date est passée, certains on ne peut pas. Comment vous pouvez faire le tri? Et est-ce que c'est prudent de consommer des médicaments qui sont périmés? On verra ça tout à l'heure aussi dans l'émission, restez bien là. Ce sera question de problèmes à la télé. Je ne sais pas si vous regardez parfois des émissions en direct à la télé, il y a de temps en temps des incidents. Ça a été le cas hier aux États-Unis, America's Got Talent, avec une arbalète qui, au lieu de terminer dans une cible, a terminé dans un candidat. Voilà, c'est plutôt problématique, c'était pas ce qui était prévu. Alors tout va bien pour ce candidat, il a été emmené aux urgences, il a donné de lui-même de ses nouvelles. On fera le tour tout à l'heure de tous ces bugs qu'il y a déjà pu y avoir à la télé. Et quand on fait le tour, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'incidents qui arrivent quand les émissions sont en direct. Tout ça, c'est le programme du 5 à 7. Et puis, on parlera d'amour aussi. Moi, j'ai besoin d'amour. Étude qui a été faite sur ce que vous êtes prêt à vraiment faire ou ne pas faire par amour. Quelle est la limite dans ce que vous faites ou pas, ce que vous acceptez, ce que vous acceptez de déménager par amour par exemple. Alors on fera le tour de ce sondage tout à l'heure au 3063 par SMS. Vous me dites si vous avez déjà fait ou accepté un truc de fou par amour, ou à l'inverse, il y a un petit truc qui vous énerve et même si vous êtes hyper amoureux de la personne, c'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. Je disais tout à l'heure, moi par exemple, si on essaie de piquer un truc à manger dans mon assiette, c'est impossible. Voilà, ça peut être n'importe qui, c'est pas possible de venir toucher à mon assiette. Manu, vous, il y a un truc C'est toujours bon à savoir, je ne suggérerais pas vous piquer une frite. Le cas échéant, si nous mangeons ensemble. Je peux planter la fourchette dans la main. Ah, quelle horreur. Voilà, et après, je mange la main. Enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. J'ai rien qui me vient trop en tête comme ça, mais bon. Et vous avez fait un truc dingue par amour, vous? Racontable à la radio. Je pense pas que je vais vous le dire. Ah, ouh. Ouh, il y a du dossier. On essaiera de savoir avant 19h. Mais racontez-vous vos histoires. 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Ce week-end, vous allez en Ardennes? Oh, regarde là-bas! Oh, il est beau le chevreuil! Oh oui! Ou bien dans un bon restaurant? Il est bon le chevreuil, hein? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. J'aime bien les belles assiettes bien remplies. Eh bien, craquez pour nos bonnes brochettes de poulet. Elles sont en promo par 4, un petit. Oh ouais, monsieur Marc, comme ça, vous pouvez manger comme 4 sans problème. Oh, la belle assiette. Ouh là là. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, 4 brochettes de poulet ananas poivron ou nature pour seulement 6,65€. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Boussu-Colfontaine comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, le Ravel écologique du Pass avec Patrice Goldberg et des milliers de beaux héros pédalant sur les traces de Vincent Van Gogh. Tournesol et matière grise, ce dimanche, juste après le JT de 13h sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Grâce à Sudpress, parfumez-vous au meilleur prix cet été. Participez à notre action épargne du lundi 8 au samedi 13 août et bénéficiez de 50% de réduction sur une sélection de parfums au senteur d'été. N'hésitez plus et foncez dans les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale. Encore une exclusivité. Sudpress. Il n'y a plus rien dans le congélateur, nos enfants ont tout bouffé. T'inquiète, je fonce Red Market. Cette semaine, la gamme des glaces Mars est en promo. La deuxième est à moitié prix. Elles sont complètement givrées, ces promos. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Vous revenez des vacances? Vous partez en vacances? Envie d'acheter une caravane ou un motorhome? AJD Caravane et Motorhome à Neupré, à penser à vous. Découvrez les tout derniers modèles 2015 à prix fou. Et oui, c'est vous qui pouvez profiter de ces prix écrasés. Venez choisir votre plus beau modèle chez AJD Caravane et Motorhome. Attention, le stock est limité. AJD Caravane et Motorhome, route du Condreau à Neupré. Plus d'infos sur ajd.be. Connaissez-vous la boucherie? C'est l'endroit idéal pour trouver les meilleures viandes, des salaisons raffinées et des plats préparés de grande qualité. La boucherie, rue des Dominicains et Saint-Paul à Liège et en Mougny à Ouï, près de la Grand Place. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Jusqu'à 19h, en cassette sur Vivacité. Bienvenue sur Vivacité si vous arrivez. Dans quelques minutes, on parlera d'une vidéo qui a fait le buzz. C'est deux Néerlandais qui se baladent dans les allées de Tomorrowland. Ils se sont déguisés en agents de sécurité. Ils ont passé tous les filtres. Ils ont pu rentrer gratuitement dans le festival. Ça pose une question concernant la sécurité sur les festivals et sur les événements en général. On y revient dans un instant dans 5 à 7. Mais avant, cette info aujourd'hui publiée dans l'ADH qui nous dit qu'en 2015, 109 dossiers ont été ouverts pour discrimination ou incitation à la haine sur Facebook et que c'est une augmentation de plus de 400% par rapport à 2010. On a pu le vérifier encore d'ailleurs très récemment avec la triste histoire de Ramzi Mohamed Kadouri, ce néerlandophone qui est décédé au Maroc, et des insultes qui sont arrivées de tous les côtés. Peut-on tout dire sur Facebook? Est-ce qu'on a une totale liberté? Est-ce que même si des dossiers sont rentrés, est-ce qu'il y a des poursuites? Est-ce qu'on risque quelque chose derrière? On va en parler tout de suite avec un spécialiste, Étienne Wery, avocat spécialisé des nouvelles technologies et mon invité ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors, est-ce que sur Facebook, on a le droit de se cacher derrière un pseudo et d'insulter, de tenir des propos racistes, homophobes, antisémites, sans qu'il nous arrive rien? Alors, la réponse, elle est simple, elle tient en quelques mots. Sur Facebook, on n'a ni plus ni moins de droits que dans la rue, tout simplement. Sauf qu'on est caché derrière peut-être un faux nom, une fausse photo, un faux profil. Alors, de la même manière que dans la rue, vous pourriez très bien vous balader et crier des horreurs sans donner votre nom, sur Facebook, c'est vrai qu'on peut agir derrière un pseudo. Mais il faut savoir qu'on laisse toujours des traces, que ce soit lorsqu'on se connecte à son compte, en utilisant son ordinateur, dans un cybercafé, où que vous alliez, vous laissez des traces, même si vous avez des pseudos. Et si la police se met à vous chasser, il y a 9 chances sur 10 qu'elle vous trouve. Et si elle nous trouve, la police, est-ce que derrière, il y a des vraies conséquences? Parce que il y a cette impression qu'on peut tout dire, même si elle est fausse, il y a cette impression que même si on se fait avoir, bah peut-être qu'il ne se passera rien derrière. Est-ce qu'il y a des réelles poursuites? Alors, il y a des réelles poursuites, Et lorsque ces poursuites sont menées jusqu'au terme, elles aboutissent quasi systématiquement à des condamnations qui peuvent être lourdes. Le problème, c'est que les poursuites sont finalement assez faibles en nombre par rapport au volume d'informations que l'on trouve sur Facebook ou sur d'autres sites de ce type. Elle est où la limite dans l'insulte? Comment, qui décide que ça va être une insulte ou pas? Imaginons que je mets un commentaire quelque part, c'est mal interprété par quelqu'un, il y a un signalement. Je suis d'office poursuivi ou il y a quelqu'un qui analyse d'abord pour voir en disant mais c'était une blague, on va passer à autre chose? Alors, il y a deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si vous attaquez une personne bien précise. Par exemple, je vais juger votre travail de journaliste et je vais vous insulter. Eh bien, vous allez pouvoir déposer plainte. Vous allez pouvoir non seulement déposer plainte devant la justice, mais également demander à Facebook d'arrêter la diffusion de ces messages-là. Ouais. Dans ce cas-là, les poursuites, elles émanent de qui? Elles émanent de la victime qui est identifiée puisque c'est une insulte dirigée contre une personne précise. L'autre cas de figure très fréquent, c'est que vous ne visez personne en particulier, mais vous visez une collectivité. On entre là dans le domaine du racisme, par exemple. Mmh. Hein, tous les ceci, tous les cela sont des. Eh bien là, vous risquez d'être poursuivi par des associations, que ce soit des associations contre le racisme, des associations qui défendent des valeurs, ou par le procureur qui, lui-même, volontairement, va ouvrir une enquête. Et c'est ce qui se passe à Anvers pour l'instant, hein, avec ce malheureux adolescent de 15 ans qui est mort au Maroc. Eh bien, le parquet d'Anvers, devant le déluge de propos racistes, a décidé spontanément, proactivement, d'ouvrir une enquête. Et ceux qui seront identifiés seront poursuivis. D'ailleurs, la page sur laquelle il y a eu le plus de commentaires a été fermée. Ça ne change rien. Il y aura quand même poursuite. Alors, elle a été fermée parce que Facebook s'est rendu compte qu'il y avait un dérapage et est donc intervenu. Mais bien évidemment, quand on ferme, il y a un backup qui est pris et qui va être transmis à la police. Alors, quelle est la frontière par rapport au racisme? Ce qui est certain, c'est que dès que vous incitez à la haine raciale ou que vous incitez à la violence, vous êtes dedans. Donc c'est important de le repréciser, il n'y a pas d'anonymat sur Internet et on peut être poursuivi quand on tient des propos racistes, homophobes et c'est normal. Voilà, c'est ce qu'on a envie de dire ce soir. Merci Étienne Houery d'être passé ce soir dans l'émission, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Bonsoir. Au revoir, 17h26, il est l'heure de revenir sur ce buzz, cette histoire quand même assez dingue. Vous avez peut-être vu cette vidéo passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Deux Néerlandais ont décidé de se déguiser en agents de sécurité. Leur but était de rentrer au festival Tomorrowland sans se faire repérer tout simplement. Ils avaient envie de danser un petit peu, voilà, on comprend quand il y a de la musique comme ça. On a envie, on bouge un petit peu des épaules, on tapote du pied. Ils n'avaient pas envie de payer les entrées et donc en se déguisant, ils ont pu déjouer tous les systèmes de sécurité. Alors cette vidéo montre qu'ils rentrent et qu'ils vont faire la fête. Une fois qu'ils sont rentrés dans les espaces pour faire la fête, ils se changent, ils redeviennent des festivaliers tout à fait normaux. Est-ce que cette vidéo est réellement crédible? Parce que le festival Tomorrowland a répondu en disant on voit sur les images qu'il y a très peu de gens dans les allées, donc peut-être qu'il y a quand même eu des contrôles et qu'ils ont eu des problèmes pour accéder. Et ils disent aussi que de toute façon l'idée du festival n'est pas d'être hermétique, donc si quelqu'un a envie de rentrer sans payer, au final en cherchant un peu, il peut le faire et surtout ça permet de faire le buzz autour de ces deux personnes, ces deux Néerlandais, peut-être en manque de notoriété. Sur d'autres festivals, comment ça se passe? On va en parler avec Jean-Yves Lafineur, vous êtes directeur du festival Esperanza qui démarre demain. On va pouvoir entrer gratuitement chez vous, Jean-Yves? Normalement non, tout est mis en place quand même pour assurer une sécurité maximale pour les festivaliers, pour les artistes, pour tout le monde. Elle vous semble crédible cette vidéo? Je n'en avais pas entendu parler, c'est en vous entendant que je l'apprends. Ça me paraît un peu gros, mais je n'ai jamais été à Tomorrowland, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne saurais pas vous dire. Alors on parle beaucoup de la sécurité sur les festivals en ce moment, sur les événements publics en général. De votre côté, je suppose que des normes particulières sont mises en place cette année? Oui, bien sûr. On a, avec toutes les autorités, avec tous les services nécessaires, on a mis en place en effet des procédures particulières, comme c'était le cas sur tous les événements cette année. Donc il y aura en effet un contrôle beaucoup plus important, une fouille systématique des sacs notamment. Et donc il est en effet conseillé aux festivaliers de venir le moins possible avec des sacs sur le festival. On vient en juste... autre mesure, mais il y en a d'autres, bien sûr, dont on ne peut pas révéler la teneur, mais on fait tout pour que la sécurité soit assurée au maximum. Et alors, il y aura qui? Parce que je sais qu'on en parlait hier dans le journal, il y a encore quelques places disponibles pour demain, parce que le reste est sold out. Il y aura qui? Ouais. Pour les dernières places dispo, on les achète pour aller applaudir qui? Pour aller applaudir Deluxe, qui cartonne pour le moment, un groupe français qui a déjà joué ici, on avait fait découvrir à l'époque, maintenant ils reviennent en tête d'affiche, c'est Electro Swing, c'est une grosse ambiance, et puis il y aura Bakermat en soirée, et sur la grande scène, sur l'autre scène, Liv Scratch Perry, Awa, une révélation israélienne, trois sœurs israéliennes qui font de la musique yéménite électronique, absolument hallucinant, et pour terminer, le grand Emir Kusturica. Ah bah ça va être une belle soirée, il reste encore donc quelques places pour demain, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, c'est sur le site du festival qu'on retrouve toutes les infos, donc le festival Esperanza qui démarre demain. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon festival Jean-Yves. Merci beaucoup. À bientôt et faites gaffe aux faux agents de sécurité qui essaient de rentrer sans payer. Hein. Craque dedans. Je on contrôle. Pense, bonne soirée, il est 17h29, toute petite pause, on revient pour la suite de ce 5 à 7. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité présente 3D World Magic and Fun Ostende. L'événement dont tu es le héros. Du 16 juillet au 28 août, pose avec ta famille et tes amis dans 40 décors vraiment fun. Découvre la vidéo Arctic Explorer et deviens l'acteur d'un court-métrage avec de nombreux animaux si tu n'as pas froid aux yeux. Info 3dworldbelgium.be. Cet été, Vivacité tient une forme olympique. Du 5 au 21 août, vibrez avec nous au rythme des Jeux. Tous les matins, nos envoyés spéciaux vous réveillent depuis Rio. Retrouvez l'essentiel de l'info sportive dans le 6-8 sur la 1, le 8-9 et nos journaux des sports. Et à tout moment, les performances de nos athlètes, les records et les médailles. Les JO de Rio 2016. C'est sur Vivacité. AG Insurance, supporter de votre vie et du Team Belgium. Voici les titres de l'actu sur Vivacité avec Manu Delporte. Arrêter les médicaments contre le cholestérol sans avis médical n'est pas une bonne idée. Une université française accuse. 10 000 personnes sont mortes en France parce qu'elles ont arrêté leur traitement. Après un livre très critique sur les fameuses statines, les composants du médicament qui soigne le cholestérol. Des critiques qui émanaient pourtant de médecins très spécialistes. Selon ceux que nous avons pu contacter aujourd'hui, les chiffres sont à nuancer. Et dans tous les cas, si ça vous concerne, si vous prenez ces médicaments et que vous souhaitez arrêter, il faut d'abord consulter votre médecin traitant. On en reparle à 18h dans le journal de Justine Hermans. Il veut une équipe belge respectée. Il veut faire de Romelu Lukaku une machine à faire des buts. Il veut aussi apprendre la culture et la langue du pays. Roberto Martinez est le nouvel entraîneur des Diables Rouges et il a du pain sur la planche. Et puis un mauvais démarrage pour l'équipe de hockey à Rio. Pour le premier match ce week-end, les Red Lions vont devoir se passer de Tom Bone. Il souffre de l'ischio-jambier droit, une déchirure à la cuisse qui va l'empêcher de participer au premier match. Il espère être retapé pour la suite de la compétition olympique. On en reparle avec Jérôme Elguers dans le journal des sports. Bon, on l'entend tout à l'heure à propos de sport. On va se connecter avec Rio dans un instant. On va retrouver Lise Burion qui est à Rio pour suivre les Jeux Olympiques pour la RTBF. Ce sera dans deux petites minutes. Merci Manu. La météo, les dernières ondées vont disparaître dans le courant de la soirée et de la nuit. Le ciel restera chargé et les minima iront de 10 à 14 degrés. Demain matin, les nuages seront encore nombreux et très localement, on n'exclut pas à nouveau quelques gouttes, mais dans l'après-midi, un soleil plus franc reviendra par l'ouest, ça c'est bien. On aura droit à de belles éclaircies au littoral, et puis vers l'est, on gardera un petit risque d'ondées, mais généralement, le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux. Les maxima resteront bloqués entre 17 et 22 degrés. On part sur les routes tout de suite, un point RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Oui Cyril, avec des ralentissements sur le ring mais qui sont vraiment assez modestes aujourd'hui. 14 minutes supplémentaires quand même pour l'extérieur Grand Bigard au titre, mais on descend déjà à plus 9 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 8 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Des ralentissements, j'en ai parlé, travaux sur le ring 3 de Charleroi entre la Blanche Borne et Hublinbu. Vous perdez une vingtaine de minutes en direction de Gouy. Des rondins de bois pourraient vous gêner, vous surprendre sur le 40 et Saint-Chapelle-Bruxelles à hauteur de Votem en direction de Bruxelles. Ce sont les voies de gauche et centrale qui sont neutralisées. Accident sur le 40 Gand Ostende à hauteur de Neveleu. La bande gauche est neutralisée en direction d'Ostende. Vous avez à peine passé le chantier où vous avez perdu 25 minutes entre Alost et Mel en direction d'Ostende que vous tombez sur l'accident. Répercussion sur la N9 également. Je parle du chantier là entre Wetteren et Mel où vous perdez une trentaine de minutes. On contrôle toujours votre vitesse sur la nationale 4 à Rond-Namur entre Altert et Martelange en direction de Namur. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Ah, il y a du gros dossier qui arrive dans cette émission. Vous avez déjà vu des avis de recherche, hein, parfois pour des personnes disparues. Mais là, aujourd'hui, il y a un avis de recherche qui a été lancé à Waterloo pour une tortue disparue. Est-ce que ça arrive souvent? Et surtout, est-ce que la police va pouvoir aider à retrouver cette tortue? Puisque c'est un avis de recherche lancé par la police, carrément. On y revient dans un instant sur Vivacité. À propos d'animaux, la pas de disparition, plutôt une arrivée. Il y a des gorilles que vous pouvez voir depuis aujourd'hui à Peridaïsa. Et justement, ça tombe bien, je vous invite à Peridaïsa tout à l'heure dans l'émission. Restez dans le coin, je vous dirai comment repartir avec vos places, votre passe famille pour aller découvrir la terre des mondes à Peridaïsa. Tout ça, c'est dans un instant. Et puis, on viendra aussi sur cette info, c'est l'ADH qui nous le dit aujourd'hui. Certains médicaments sont périmés, mais peuvent toujours être consommés. Alors, comment faire le tri entre ce qui peut être consommé, ce qui l'est pas, ce qui est dangereux, ce qui l'est pas, et est-ce que c'est bon, finalement, de consommer, même si la date des médicaments est dépassée? Est-ce que c'est pas un peu dangereux? On y revient tout à l'heure aussi dans le 5 à 7 et direction Rio. On retrouve Lise Burion au cœur du village des athlètes juste après ça. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte, tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. La Une et Vivacité présente. J'ai promis à ma femme de lui décrocher la Lune cette année, mais je sais pas comment je vais faire. Ah ben moi, c'est déjà fait, la Lune. Mais comment t'as fait? À l'Eurospace Center, j'ai été. Non! Oui, et tu sais quoi cette année? Non. Avec toute la famille, hein. On perd sur Mars. Sur Mars? Oui. Mais enfin! Mais oui, à l'Eurospace Center. Bon, je peux venir avec? Ben évidemment. Allez, j'appelle ma femme. Mais tu sais quoi, on va faire une navette? Eurospace Center, E411, sortie 24. Pour vos sorties cet été, plutôt en bus ou plutôt crevé? C'est encore loin, dit. Ou alors gêné. Mon grand, je viens te rechercher à 22h, hein. Ouais. Cet été, pensez plutôt au tech pour vous déplacer. Rejoignez notre page Facebook Tech On Tour et tentez de gagner des places pour vos prochaines activités. Le tech, partenaire de vos évasions estivales. Vivacité Tour des sites d'organisation présente 800 reflets. Un show en 3D époustouflant qui vous plongera dans l'histoire mystique de l'abbaye du Val-Dieu. Rendez-vous chaque soir du 29 juillet au 28 août à l'abbaye pour un spectacle monumental ou en couleur et gratuit. Info tourdescites.be. Avec les fromages, les bières et le cidre de Val-Dieu, l'avenir Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. My love vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain de 8 à 9 pour bien démarrer la journée. On fait connaissance avec vous ce matin. Sur Vivacité et sur la Une. 17h, 19h, 5 à 7. Dans deux minutes, on revient sur cette info. La police de Waterloo qui a lancé un avis de recherche après la disparition d'une tortue. C'est une vraie info. Je vous en parle dans deux minutes. Mais tout de suite, on part au Brésil. Retrouver Lise Burion. Bonsoir, bonjour Lise. Quelle heure il est chez vous là? Bonne heure, il est midi 36. Ah bah bon appétit alors. On mange quoi d'ailleurs? Tiens, depuis que vous êtes arrivé, vous mangez quoi à Rio? On mange principalement dans les buffets mis à disposition pour la presse, que ce soit dans notre logement ou bien au centre de presse. Pour l'instant, donc, ce sont des buffets divers et variés, mais il y a de tout. Il y a des lasagnes, il y a des légumes, des fruits, un petit peu de tout. C'est souvent froid quand on arrive à table, parce qu'il y a énormément de files. Ça, c'est d'accord. Une constante par ici. Où qu'on soit, il y a la file, et c'est pareil pour les athlètes d'ailleurs. Certains athlètes belges nous l'ont confié, c'est pareil chez eux, dans le restaurant du village olympique, beaucoup de files, beaucoup de joyeuses désorganisations. Donc c'est un petit peu le petit bémol, mais ils s'en sortent, ils s'accommodent comme il faut, et nous aussi d'ailleurs. Et vous parlez de lasagne, vous savez qu'au Brésil, si vous tombez dessus, essayez de goûter. J'ai vu dans un resto, et c'est un plat salé, c'est pas du tout un dessert, de la lasagne à la banane. Voilà, je vous laisserai tester. Ça peut être intéressant. On essaiera. Voilà, vous me direz si c'est toujours intéressant après l'avoir goûté. Bon, aujourd'hui, on entend, vous êtes par téléphone parce que vous n'êtes pas dans le studio de la RTBF. Vous êtes où, Lise, en ce moment ? Alors, en ce moment, moi, je suis au village olympique, donc le village des athlètes. Alors, je ne suis pas dans le village exactement. On n'a pas accès, évidemment, aux différents appartements des athlètes. Hein, c'est espace réservé. Mais il y a une zone qu'on appelle la zone internationale, juste devant ces grands immeubles. Et c'est là que je me trouve. C'est une zone où eh bien, les athlètes sortent à la rencontre des journalistes, si vous voulez. C'est une zone aussi où les athlètes peuvent venir un petit peu se détendre devant leurs grands immeubles. Hein, vous l'avez certainement déjà vu sur Internet ou à la télévision. Hein, ces grands immeubles du village olympique, 31 buildings, hein, 17 étages chacun, donc il y a du monde dans ces immeubles, ils sont tous pareils, mais il y a quand même les décorations des drapeaux des différentes délégations hein, qui décorent tous ces immeubles. Ici, je suis plus précisément au pied de l'immeuble du Portugal, les étages du Portugal, c'est la fête, hein, depuis l'euro, ils n'arrêtent pas, ils montent leurs drapeaux partout, les Portugais, mais donc il y a vraiment de toutes les couleurs sur ces différents immeubles. La Chine, c'est impressionnant, il y a pratiquement tout un immeuble, rien que pour la Chine. Donc voilà, au pied de ces immeubles, et beaucoup de monde autour de nous. C'est une petite fourmilière entre journalistes et athlètes. On voit beaucoup de journalistes avec les caméras, ce qu'on appelle les stand-up, hein, les interviews face caméra. Voilà, il y a des athlètes, des journalistes, des volontaires. On voit aussi énormément ces gens, donc ils sont là pour nous aider, pour nous guider. Donc il y a du monde, petite fourmilière, mais c'est bien, bien sympathique, une ambiance très détendue en tout cas. Et on a entendu parler de monde aussi à un endroit bien précis. Il y a un McDo dans le village, c'est ça ? Il y a un McDo, effectivement, dans cette zone internationale. Bah, c'est bizarre. Voilà, vous vouliez le savoir. Hier soir, nous avons mangé au McDonald's, on doit bien le dire, nous. Mais bon, les journalistes, on peut comprendre. C'est vrai qu'au niveau des athlètes, on pourrait se dire, bon, c'est un peu bizarre, mais nous, il y en a quelques-uns qui viennent se restaurer au McDo, ou en tout cas, un petit complément, justement, à ces buffets qui sont peut-être parfois un peu monotone pour eux, hein, qui sont là depuis quelques jours. Donc hier, on a vu, on va un petit peu balancer, on a vu des tennismen français dans la salle du McDonald's. Comment vous osez dire ? Benoît Paire, Gilles Simon, voilà, ils sont là. Mais voilà, il y a des sportifs qui peuvent de temps en temps se le permettre. Hein. Il y a des sportifs qui doivent faire le poids, comme on dit. On n'imagine pas une Charline Van Snick, la judoka, qui doivent descendre tous les 40 kilos, qui doivent absolument se taper un McDonald's. Mais bon, il y a des athlètes que ça dérange moins. Hein. 26 réals, le Big Mac menu, si vous voulez tout savoir. C'est à peu près 7,50 €. C'est à peu près comme chez nous. C'est peut-être un tout petit peu en dessous. Peut-être un petit peu en dessous. Hein. Ça dépend du change, évidemment. Mais bon, il n'y a pas qu'un McDonald's, hein, quand même. On ne va pas non plus focaliser que là-dessus. Il y a vraiment tout un tas de services disponibles pour les athlètes. Il y a une poste, par exemple. Un fleuriste, bah oui, on sait jamais, hein. On parle beaucoup des rencontres ici. Eh ouais, c'est connu sur le village olympique, ça. Voilà. On a aussi un nettoyage à sec, il y a un petit bureau touristique qui peut emmener les athlètes vers le Christ Rédempteur s'ils veulent, en tout cas. Lise, juste un truc, je ne sais pas ce que vous faites avec votre joue, avec votre téléphone, mais vous n'arrêtez pas d'appuyer sur les touches en même temps. Ah bah pardon, du coup, c'est pas volontaire, vraiment désolé. Arrêtez, voilà. Sinon j'attrape votre téléphone et je le lance. Dans la mer. Voilà. Merci Lise. Est-ce que vous avez rencontré des stars ? Des stars dans ce village-là, pour l'instant, non, pas spécialement, mais on voit passer énormément d'athlètes ici au moment où je vous parle. Ainsi, je fais un tour ici à 360 degrés, je vois quoi ? Je vois une sportive canadienne, un ukrainien, j'ai des égyptiens là-bas plus loin, on voit énormément de monde. Nous, on n'a pas vraiment croisé de stars. Raphaël Nadal est venu en conférence de presse hier, donc oui, il a traversé cette zone. Ouais. Bon, on l'a pas spécialement abordé. Donc oui, on peut voir tous ces sportifs détendus, on les voit passer parfois en trottinette. Ou à vélo, parce que comme c'est très grand comme espace, hein, c'est quand même 75 hectares au total, ils se déplacent plus facilement à roulette. Donc on les voit passer comme ça, c'est assez comique. Mais ils sont vraiment attendus, hein, je vous dis, parce qu'il y a vraiment plein de services pour eux. Il y a aussi un espace où ils peuvent jouer au beach volley, il y a des transats, une mini-plage qui a été reconstruite devant leurs immeubles. Donc c'est une zone de détente et chouette pour eux ambiance. Un peu de travail parce qu'ils doivent venir répondre aux questions des journalistes. Et nos petits Belges, ils vont bien ? Les Belges vont bien, on les a vus hier, on a vu les joueurs et joueuses de tennis, donc David Goffin, Yannick Mayer qui sera ce week-end. On a vu les cyclistes qui se préparaient aussi pour leur course de samedi, détendus à 2 jours de la compétition. Ben voilà, ils vont entrer dans leur bulle, mais ils ont l'air d'aller bien. On a croisé quelques hockeyeurs aussi détendus. L'ambiance est bonne, hein. Ils sont vraiment, on sent qu'ils sont heureux d'être là, en tout cas. Ils ouvrent des yeux énormes. Les cyclistes, ils sont contents de sortir un peu de leur monde, hein, donc de voir un peu d'autres grands sportifs. Donc Voilà, je sens que l'effervescence s'amende tout doucement, mais pour l'instant, c'est des grands sourires partout, en fait. Eh bien, bip, bip, bip à vous aussi, Lise Burion. Lise, n'hésitez pas. Désolé. Ça, oui, alors, si en plus du McDo, il y a un magasin de téléphone, n'hésitez pas à aller changer le vôtre. Parce que voilà, il y a un truc qui ne doit pas fonctionner. Mais heureusement, on a quand même compris ce que vous vouliez nous dire. Mais c'est intéressant d'avoir des petits bips. Peut-être que vous communiquez avec des gens en morse au passage. Ou alors ça vient de la connexion internationale peut-être, hein, les numéros brésiliens, peut-être que c'est comme ça. Je m'appelle rarement, donc je sais pas. Oui, je pense que votre explication est crédible. Les gens au Brésil aiment bien entendre des bip-bip quand ils s'appellent. Merci Lise. On vous retrouve bientôt depuis Rio. Je vous souhaite une excellente après-midi là-bas et bonne soirée chez nous. 17h45, on va quitter le Brésil pour revenir plus près de chez nous. On va à Waterloo. Il y a un avis de recherche qui a été lancé, c'est tout à fait sérieux, pour retrouver une tortue. Oui, alors on va en parler avec Michel Van de Waal, vous êtes chef de corps de la police de Waterloo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça arrive souvent, ça, de lancer un avis de recherche pour une tortue ? Bah, disons, nous n'avons pas lancé un avis de recherche, c'est le propriétaire de la tortue qui nous a signalé la fugue de sa tortue, comme on le fait pour parfois les propriétaires de chiens nous disent que le chien a fugué, et nous avons évidemment en interne signalé ça à nos services, que si jamais on retrouvait une tortue qui était pucée, je précise, nous pouvions la restituer au propriétaire, et si jamais quelqu'un à Waterloo retrouve cette tortue, peut aller chez un vétérinaire qui a également la possibilité de rendre à son heureux propriétaire la tortue. Vous avez souvent des demandes de ce genre-là pour des animaux comme une tortue, parce qu'effectivement, les chats, les chiens, c'est le genre d'avis de recherche qu'on voit souvent accrochés un peu partout. Mais une tortue, c'est plus original, d'autant plus qu'elle ne peut pas aller bien loin, a priori, elle ne va pas vite. Oui, effectivement, a priori, elle ne va pas très très loin, mais ici, la tortue n'a toujours pas été retrouvée. Mais ici, c'est la deuxième fois cette année qu'on nous a signalé pour une tortue. Ah maintenant, oui, il y a quelques années, on nous avait signalé, mais bon, là, il y avait un cirque qui était tout près, c'était un chameau. Donc vous voyez, là où nous avons parfois quelques animaux, on va dire, exotiques. Et il y a des consignes particulières à vos équipes sur le terrain, parce qu'un chameau, bon, c'est quand même assez grand. Mais là, sur la tortue, il y a des précautions particulières qui sont données aux équipes ? Non, là, on a juste simplement signalé aux équipes. Évidemment, si ça avait été un serpent, là, c'est les fameuses nacres. Mais ici, par rapport à la tortue, si jamais quelqu'un nous signale, là, on irait, parce que c'est vraiment dans le cadre d'une police de proximité. Et je rassure aussi les gens, nous ne faisons pas de battue pour retrouver cette tortue. Tout le commissariat n'est pas sur le coup en ce moment. Oui, ouais, vous voyez. Donc c'est au cas où quelqu'un tombe dessus, la police est au courant et peut traiter le dossier. Voilà, exactement. Merci pour ces explications, c'est très sympa d'être passé ce soir dans l'émission. Depuis que l'avis de recherche a été lancé, on n'a pas de nouvelles de la tortue encore? Non, mais c'est-à-dire que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça avait fait le buzz. Évidemment, avec l'avis de recherche, effectivement, là, on pense que les policiers avaient fait une battue, mais je veux rassurer, mais c'était vraiment dans le cadre de cette police de proximité où on nous signale souvent les chiens, les chats. Mais ici, c'est la deuxième fois cette année que nous avons une tortue qui s'est échappée. Vous avez le signalement sous les yeux, comme ça, on en profite. Hein, si, c'est une tortue terrestre de 9 ans, ouais, et qui est pucée, et donc nous n'avons pas de données d'autres caractéristiques. Parce que bon, disons, ça ne court pas les rues de voir encore des tortues terrestres à Waterloo ou en Belgique. Hein. Oui, c'est assez rare. Quand on fait la file à la boulangerie, c'est rarement une tortue devant nous. Voilà, exactement. Enfin, quoique, ça dépend de l'âge de la personne. Merci d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Voilà, très bonne oui, soirée. À bientôt, 17h47. On va faire une toute petite pause. On revient dans un instant avec un autre animal bien plus gros, un gorille. Les gorilles font leur apparition à Paradisea. Et en plus, je vous y invite à Paradisea. Comment gagner tout ça ? Restez là. Là, je vous dis tout dans deux minutes. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. En télé sur la Une. Police, ne bougez plus! Rizzoli cherche les malfrats, les tueurs en série, les parrains de la pègre, les psychopathes, bref, tous les gros poissons. Et si parfois elle se sent démunie, elle n'est pas toute seule. Avec Hiles, elles font une sacrée paire. Rizzoli et Hiles, saison 6, c'est tous les jeudis soirs sur la Une. En ce moment, chez Brico, il y a 10 000 places à gagner pour Bella Ward! Plus, tous les clients Brico ont droit à des réductions dans ces trois parcs. Merci Brico ! Pour les makers, Brico. Vivacité, la une présente. Une princesse. Une fée. Attention à la sorcière. Elle va nous empêcher de retrouver le dragon. C'est magique le labyrinthe d'Urbuy. Princesse ou chevalier, venez vivre une aventure extraordinaire dans le labyrinthe de maïs géant de Barvaux d'Urbuy. Préparez votre parcours magique sur lelabyrinthe.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Rendez-vous samedi sur le site du Grand Ornu pour une balade familiale dans le Borinage. De ce joyau, classé au patrimoine mondial de l'humanité, nous filerons à travers les terris vers Colfontaine et l'écrin de verdure du château de Boussu. À l'arrivée, concert gratuit de Vianney. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Topitz, astuce congélation du jour. Nous, les sacs congélation Topitz, tenons droit spontanément. Pour ne pas perdre une goutte en nous remplissant. Optez pour le frais sain avec Topitz. Aussi frais que frais avec Topitz. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Merci d'être passé pour nous chanter cette petite chanson du Gorille. 17h50. Pourquoi on parle de Gorille? Eh bien parce qu'ils font leur apparition aujourd'hui à Péridaïsa. On va en parler avec Alexandra Vidanowski. Vous êtes attachée de presse du parc. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Il y a beaucoup d'arrivées cet été, dis donc, à Péridaïsa. Voilà, et l'été ne fait que commencer. Ah bah, vous allez bientôt recevoir un salaire de participation à cette émission, j'ai l'impression. Chroniqueuse animalière. Exactement. Alors, je précise que dans un instant, je vais vous offrir des places. Enfin, pas à vous, Alexandra, parce que vous y travaillez, mais à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, je vais vous inviter à Péridaïsa avec un passe-famille dans un instant. Mais donc, la nouveauté du jour, il y en a même deux, c'est qu'on peut apercevoir, on peut voir les gorilles dans un nouveau monde, et puis on va peut-être pouvoir apercevoir Baby P aussi, j'ai appris. Ah oui, oui, oui, tout à fait. Alors, première grosse, vraiment très très grosse nouveauté, évidemment, en taille, en poids, en tout ce que vous voulez, en investissement, c'est ce volcan qui est ouvert, le territoire qui est accessible et qu'on peut rencontrer Wazungu, qui est donc le gorille, Wazungu, le premier gorille. Wazungu, il s'appelle Wazou pour les amis et les intimes, qui est un gorille mâle de 14 ans qui est arrivé d'Autriche. Un parc d'Autriche en début du mois et qui lui est déjà visible. Deux autres gorilles sont en phase d'adaptation et pas encore visibles mais déjà sur place. Eux viennent du zoo d'Amsterdam. Ouais. Et donc Wazungu, lui, est déjà dans l'enclos intérieur et a aujourd'hui rencontré déjà des centaines de visiteurs qui avaient l'air d'être assez impressionnés par les regards qui se croisent. Ah bah, est-ce qu'il fait du bruit, Wazungu? Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il communique avec les visiteurs ou pas encore? Il communique pas encore beaucoup avec les visiteurs. C'était son premier jour aussi, hein, sa grande première à lui aussi. Donc va falloir qu'on s'habitue l'un à l'autre et qu'on s'apprivoise et puis ça viendra certainement. Hein. Ce sont des animaux qui bougent beaucoup, qui jouent beaucoup, qui cherchent leur nourriture, on leur cache leur nourriture. Donc c'est vrai qu'ils sont très intéressants à observer. Ah bah, on ira voir ça, c'est sur un tout nouvel espace, un volcan donc, qui a été créé au milieu de Péridaïsa. C'est impressionnant à aller voir. Et alors Baby P, maintenant, a le droit d'aller se balader dans la grotte. Ah, une autre grande nouvelle du jour, effectivement, c'est que la porte de la nurserie vers la grotte a été ouverte et que donc maman Hao Hao a déjà pointé un peu son nez dans la grotte intérieure, a déjà inspecté les lieux. Elle et vérifie, petit contrôle de sécurité. Ah voilà, petit contrôle de sécurité, de confort, de propreté peut-être aussi. Bah oui. Bah oui, qui a fait le ménage pendant qu'elle était à l'intérieur là. Il y a quelqu'un qui s'en est occupé. Ah, c'est nous. C'est mes collègues qui ont. Ça a été entretenu. A fait le ménage. Oui, oui, oui, bien sûr. Évidemment, bien nettoyé. Donc, on leur a ouvert la porte et maintenant, c'est elle qui décide. Hein, celle qui décide quand elle amènera le petit et quand potentiellement il verra pas seulement les visiteurs, mais aussi son papa pour la première fois. Ah, bah oui, aussi. Papa, il va être content peut-être de le voir. J'espère. Ah, bah, j'espère aussi. Il est tellement mignon. Depuis le temps, il a peut-être oublié qu'il avait fait ça. Hein.

les chauves, un peu hableurs, qui racontent des conneries devant des micros, il faut les priver de parole tout de suite. Tout de suite, hein, sinon ils prennent de l'assurance et ils deviennent d'une suffisance. Sarah et mon café, bordel. Ah, le juge Christian Panier propose d'accueillir Salah Abdeslam chez lui à sa sortie de prison. C'est très bien, il aura le temps de monter un dossier à charge contre l'État avec Michel Martin, parce qu'il se sera radicalisé en prison à Guantanamo-Lenbeek. C'est très bien, on avance. Non, mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est quand on va découvrir d'ici un mois ou deux qu'en fait, dans la cellule de Bruges, celui qu'ils ont incarcéré, c'est le livreur de pizza. Ah, s'il peut faire avancer l'enquête, autant lui dire merci. Jérôme et Cactus à revoir sur la page Facebook du 8-9, disponible 24/24. Et le Cactus revient demain dans le 5 à 7 sur Vivacité. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. La météo pour ce soir, eh bien les dernières ondées vont disparaître. Ce sera pour le courant de la soirée et pour cette nuit. Et le ciel, lui, restera chargé quand même. Les minima iront cette nuit de 10 à 14 degrés. Pour demain, le matin, finalement, les nuages seront encore nombreux. Très localement, on n'exclut pas à nouveau quelques gouttes. Et dans l'après-midi, un soleil plus franc reviendra quand même par l'ouest. On aura droit à de belles éclaircies au littoral. Et vers l'est, on gardera par contre un petit risque d'ondées. Mais généralement, quand même, le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux. Les maxima seront bloqués demain entre 17 et 22 degrés. Déjà un petit mot sur le week-end. Il s'annonce plus estival, ça c'est bien. Pour toute la Belgique, avec davantage d'éclaircies et un temps sec et des températures entre 23 et 25 degrés. La 2, en télé. Les meilleurs athlètes mondiaux vont briller à Rio. Vivez en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ce vendredi sur la 2. Vivacité, il est 18h. Des milliers de personnes seraient mortes après avoir arrêté de prendre de la statine. Il s'agit d'un médicament anti-cholestérol. C'est ce que dénoncent les auteurs d'une étude de l'Université de Bordeaux. Nous ferons le point sur la question dans ce journal. Les guêpes sont de retour. Elles arrivent seulement au milieu de l'été. D'habitude, c'est un peu plus tôt. Si elles ont traîné, c'est à cause du mauvais temps. Les exterminateurs d'insectes, du coup, ont du pain sur la planche. Retenez bien ce nom, Roberto Martinez. Il est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Alors l'Espagnol n'est pas un nouveau venu dans le monde du football. Il a déjà coaché l'équipe d'Everton en première ligue anglaise. Il nous expliquera sa vision du jeu dans le journal des sports de Jérôme Elgers. Le journal sur Vivacité avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Ce nom ne vous dit peut-être rien, la statine, c'est un médicament contre le cholestérol. On vous le prescrit si vous en avez trop. Plusieurs milliers de personnes seraient mortes après avoir arrêté d'en prendre. C'est ce qu'assure une étude de l'Université de Bordeaux. Les auteurs de cette étude dénoncent en fait le succès d'un livre publié en 2012 par deux médecins éminents qui estimaient les statines inutiles. La réalité est bien sûr à nuancer, Françoise Berlaimont. On le répète assez souvent, un taux de cholestérol élevé a un impact sur la mortalité cardiovasculaire. Les statines permettent de réduire le taux de cholestérol et donc de repousser le risque d'infarctus. A-t-on prescrit des statines sans modération ? L'avis d'Olivier de Coster, cardiologue. Le problème, c'est qu'il y a différents types de statines et que pour des raisons commerciales, initialement, on a voulu donner des statines à tout le monde. Et j'appelle ça un peu le syndrome Lamborghini. Si je donne une Lamborghini à tout le monde, il y aura plein d'accidents et je vais conclure que Lamborghini est une mauvaise voiture. C'est votre médecin traitant ou encore mieux votre cardiologue qui pourra vous conseiller le mieux entre le pas de statine du tout, à dose variable ou encore la levure de riz rouge. Seul un professionnel est habilité à savoir ce qui vous convient. Le problème d'Internet, c'est que tout le monde peut dire n'importe quoi à n'importe qui. Et donc, c'est le syndrome qu'on a. Donc, on passe beaucoup plus de temps à expliquer aux patients les choses qui sont vraies et les choses qui sont fausses en leur montrant des études qui sont valables et en essayant de les guider là-dedans. Mais les patients vont eux-mêmes chercher leur information, ce qui est bien normal. Les chiffres de 10 000 morts en France, avancés par l'Université de Bordeaux et par extrapolation de 2 000 en Belgique, sont invérifiables. Il faut toujours se méfier du tout ou rien. Les statines sont nécessaires, si prescrites à bon escient. La police dresse de plus en plus de PV pour commerce illégal d'armes. Le chiffre est passé de 150 en 2006 à 259 en 2015, soit une augmentation de 70% en 10 ans. Selon l'Institut flamand pour la paix, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse, notamment la nouvelle loi sur les armes de 2006, mais aussi un meilleur enregistrement des armes. Il avait mis en examen Adèle Kermiche, un des deux tueurs du prêtre de Saint-Étienne du Rouvray, et cela avant qu'il soit libéré sous surveillance électronique. Il, c'est l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidi, qui l'a accordé un long entretien à la RTBF. Une semaine après l'attentat qui a coûté la vie à ce curé, Marc Trévidic se dit consterné mais pas surpris. Il avait décelé le profil dangereux d'Adèle Kermiche lors d'auditions menées durant l'été 2015. Je l'ai interrogé, il était très « redonnez-moi une chance, une erreur », mais on sentait que ça sonnait faux, là, vraiment très clairement. Là, j'ai vu en face de moi quelqu'un de complètement déterminé, en fait, qui ne rêvait que de faire du djihad, c'est clair. Et après, donc j'ai appris à l'occasion de cette affaire qu'il avait été libéré sous bracelet électronique en mars 2016. Voilà, chaque juge est libre de ses décisions. Hein. En fait, si on se passe du côté d'un juge en France, hein, d'un juge d'instruction, en l'état, il a le choix entre la prison et le contre-judiciaire classique, avec bracelet électronique ou pas, qu'on mettrait pour n'importe quel délinquant de droit commun. Il n'a pas la troisième voie, qui serait un centre de déréglisation fermé, hein, où il mettrait à la place de la prison, par exemple. Hein. Mais on n'a pas cette possibilité. Or, il faut traiter les gens avec les particularités qu'ils présentent. On ne peut pas utiliser le système de droit commun pour des profits qui n'ont rien à voir. Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste français, au micro de Quentin Warlop. Souvenez-vous, le 23 juin dernier, le hall sportif de Jodogne a été soufflé par une violente tempête, des images qui étaient impressionnantes, et le complexe sportif aujourd'hui est presque complètement détruit. Seuls deux pignons tiennent encore debout. Pour les assurances, le groupe Belfius, la proposition est de reconstruire à partir de ces deux éléments. Pas question, répondent les autorités communales. Jean-Luc Meurice est le bourgmestre faisant fonction à Jodogne. Depuis hier, les engins de démolition sont en pied d'œuvre. Nous allons dégager un peu tout ce qui les abords et enlever également les éléments qui sont encore dangereux. Donc bien entendu, je ne vais pas autoriser à récupérer du matériel dans les décombres s'il y a le moindre danger. Tant que je n'ai pas un feu vert des experts, bien sûr, je ne vais pas l'autoriser. Les experts de l'assurance, ils nous ont fait une proposition sur laquelle on n'a pas marqué notre accord au niveau du collège. Nous, on estime que certains éléments, contrairement à l'avis de l'expert de l'assurance, ne doivent pas être préservés, doivent être démolis également. Donc nous allons maintenant faire une contre-proposition à l'assurance, donc nous ne sommes pas en guerre avec l'assurance, mais voilà, on peut voir ici, il y a certains éléments qui sont debout, mais nous on estime que certains éléments ne peuvent pas être préservés, que ça a en plus coûté plus cher de revenir se reconnecter sur ces éléments-là. Nous souhaitons pour le mois de septembre d'avoir une décision ferme du collège, une décision qui dise voilà exactement ce que nous allons faire. Jean-Luc Meurice, le bourgmestre faisant fonction de Jodogne, au micro de Michel Servet et Sonia Boulanger. Le destin du hall sportif n'est pas encore scellé. Une réunion entre les parties est prévue après le 15 août. Les clubs sportifs qui occupent généralement le hall, eux, ont pu être réorientés vers d'autres salles des communes aux alentours. Les guêpes sont de retour. On ne les avait pas encore beaucoup vues cet été, mais cette fois-ci, ça y est, elles sont là. Les nids ont mis plus de temps à grandir que d'habitude à cause du mauvais temps. Mais à présent, les guêpes sont assez costaudes pour sortir. Du coup, les téléphones des exterminateurs d'insectes chauffent ces jours-ci. Simon Bourgeois et Ariane Dufresne ont suivi Michael Debière en intervention d'urgence cet après-midi à Mons. Bonjour madame. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de guêpes qui tournoient. Et elles entrent dans ce trou, hein. Il y a encore... Oui, je les vois là à l'extérieur, effectivement, ouais. Il y a un balai, oui. Ouais. Ici, les nids cette année sont un peu en retard dans la saison. Allez, restez là. Oui. Attention de ne pas vous faire fuir. Oh, on voit vraiment oui, que. Oui, mais c'est un nid qui est déjà hyper bien actif. Oui. Ah oui, oui, oui. Waouh. C'est à cause de la météo que les nids apparaissent plus tardivement cet été. Effectivement, donc si on a des températures plus favorables à partir de entre 22 et 25 degrés, les nids vont gagner très rapidement plusieurs centaines de guêpes par semaine. Et c'est le cas pour le moment. C'est le cas pour le moment, donc on a une explosion des nids, comme ici un nid qui doit faire au grand minimum 2 à 3 000 guêpes. Il n'est pas rare de voir des nids, j'en ai un là dans la camionnette, qui fait au moins 8 000 guêpes. Eh bien je prépare mon matériel, je me protège et je fais ça. Oh regardez ça. Voilà. Soulagée madame? Ben oui, ce sont des bestioles que je n'aime pas. Voilà, une montoise rassurée aujourd'hui. Et un mot des festivals aussi. Le Brussels Summer Festival commence demain avec le groupe Overphonic, par exemple. Un festival de longue durée, il s'étend sur 10 jours. Et justement, si vous souhaitez un pass pour l'entièreté du festival, ne traînez plus, il n'y en a déjà presque plus. Merci Justine pour ce journal. Question qui n'a rien à voir, juste avant le journal des sports. Est-ce que vous savez faire le gorille? Non, là, je... Vous savez pas? Je vais pas tenter une imitation. Je cherche quelqu'un qui peut faire le gorille et qui repart avec un pass famille pour aller à Péridaïsa. Donc, si vous savez le faire, vous m'envoyez Péri par SMS. Je laisse 60 la chance à quelqu'un d'autre. Ce sera pas pour vous, Justine, tant pis. Bonne soirée, Justine. Juste avant le journal des sports, voici le RTBF Mobile Info. Antoine Benhamé, comment ça roule à 18h08? Eh bien, on a toujours ces soucis sur le 40 qui relie Bruxelles à Ostende au niveau d'Herpemer. Défile depuis Alos jusqu'à Mel. Vous perdez 25 minutes. Répercussion sur la N9 depuis Wetteren. 30 minutes à ajouter en direction d'Ostende. Et puis, un véhicule en panne dans un chantier. C'est sur le 19 qui relie Bruxelles à Anvers à hauteur de Rums. Soyez prudents puisque c'est la bande de gauche qui est neutralisée et donc évidemment circulation fortement ralentie en direction d'Anvers. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Vivacité, le journal des sports. Bonsoir à tous. L'homme se dit humble, fier et honoré. Le nouveau sélectionneur des Diables, Roberto Martinez, a été officiellement présenté ce midi. L'Espagnol de 43 ans a fait l'unanimité à l'Union belge et il rentrait dans les conditions budgétaires. C'est un intéressant mélange entre le sens du jeu espagnol et la passion du foot anglais, nous dit la fédération. Martinez connaît effectivement le football britannique comme sa poche. Il y a joué et entraîné pendant plus de 20 ans. Le nouveau sélectionneur des Diables détaille sa vision des choses. Mon style de football épouse parfaitement les qualités de cette équipe. J'aime le jeu dominant, avoir le contrôle du ballon, le récupérer aussi très rapidement. Je veux que mon équipe soit rapide, directe et offensive. Mais dans le football moderne, vous devez aussi maîtriser la transition et être habile à défendre sans vous découvrir. Ma conception est basée sur deux piliers. Que faire avec le ballon et comment utiliser le talent de l'équipe pour marquer des buts et gagner des matchs. Le plus grand chantier sera de créer une mentalité gagnante. Nous devons apprendre à vivre avec les attentes, la pression. Gagner des matchs sans enjeu, c'est facile. Nous, nous devons apprendre à gagner les matchs à enjeu, les matchs importants. Et Roberto Martinez a également précisé qu'il voulait au plus vite se plonger dans la culture belge. Il va vivre chez nous, veut parler au moins une des trois langues nationales et ira donc voir des matchs au Cueil-Pieux de Westerlo. En spécialiste du championnat anglais, notre consultant Fred Wassege connaît bien Roberto Martinez. Il est à la fois étonné et excité par sa venue. C'est une surprise, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Mais je suis un peu excité à voir comment il va se débrouiller avec notre équipe nationale. Ce garçon, c'est ce qu'on appelle la classe, quoi, dans l'attitude, dans le football, qui veut proposer. Et je pense qu'avec les joueurs qu'il y a dans notre équipe, il peut proposer ce qu'il veut. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est catalan. Ce qu'il veut proposer, c'est du jeu. Et voilà, c'est le football un peu total, avec des flancs qui montent tout le temps. Je veux dire, c'est pas par hasard, c'est Romelu a marqué 60 buts sous sa houlette à Everton en 3 saisons. Je sais pas, ironiquement, je dirais qu'on a peut-être pris pour que Romelu marque beaucoup de buts. Quoi. Les joueurs l'accueillent quand même avec beaucoup de curiosité, mais aussi beaucoup de respect. Et je pense que ça, c'est très important. Fred Wassege, joint par Pascal Chimet. On rappelle les premiers rendez-vous de Roberto Martinez. Un amical contre l'Espagne le 1er septembre. Et 5 jours plus tard, le premier match qualificatif pour le Mondial de 2018. Ce sera en déplacement à Chypre. Et puis, toujours en football, le jeune attaquant polonais Lukas Teodorczyk est prêté pour 1 an à Anderlecht. Le joueur présente un profil à la Tom de Suter et arrive en location donc du Dynamo Kiev. Rio 2016. À un peu plus de 24 heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la délégation belge a dévoilé le nom de son porte-drapeau. Olivia Borlée, médaillée du relais 4x100 en 2008, aura l'honneur d'emmener nos athlètes dans le stade Maracanã. La mauvaise nouvelle du jour nous vient du hockey, où on apprend le forfait de Tom Bone pour le premier match des Red Lions samedi face à la Grande-Bretagne. L'attaquant souffre d'une petite déchirure de l'ischio droit et espère revenir dans 8 jours. Nos joueurs de tennis, eux, connaissent leur premier leurs premiers adversaires du tournoi olympique. Kirsten Flipkens jouera contre Venus Williams. Un tirage aussi difficile pour Janina Wickmayer face à la Tchèque Barbora Strikova. David Goffin jouera, lui, l'Australien Sam Gross, 168e mondial. Et puis, pour compléter ce chapitre Rio 2016, petit coup de focus sur un athlète belge inconnu, Robin Ramakers, 22 ans et archer, et demain, il sera notre premier représentant à entrer en compétition. Éric Libois a rencontré ce grand espoir du tir à l'arc. En 2005, le petit Robin Ramakers a 11 ans, il s'est cassé le genou au foot à l'école, il essaie donc le tir à l'arc. 11 ans plus tard, le voici à Rio. Le Limbourgeois a été champion du monde chez les juniors et Rio, il y croit. Mon objectif, c'est le top 8, mais si la chance s'en mêle, le vent aussi, je peux prendre une médaille, tout est une question de moment. Cet ingénieur industriel de 22 ans est prêt à tout pour son sport, pour une radio flamande, il a même joué à Guillaume Tell. C'était avec une poupée, mais au départ, il voulait le faire avec un vrai enfant. Sur 100 flèches, 99 fois, je vais toucher la pomme, mais il suffit d'une fois et c'est fatal. Ramakers ne regarde jamais son score pendant un match. Droit au but, il ne voit que la cible. Je tire avec un arc très dur. Je suis l'un des plus puissants du circuit. Je suis mentalement très fort. Rien ne peut me déstabiliser. Je suis aussi une bête de concours. Tous mes records, je les ai battus en compétition. Je dois tirer sous pression pour être bon, alors que mes concurrents battent leur record à l'entraînement. Et pour suivre la compétition de Robin Ramakers au tir à l'arc, rendez-vous demain vendredi dès 14h, heure belge. On referme ce journal avec quelques transferts dans le peloton cycliste. Le sprinter-puncher australien Michael Matthews quitte Orica pour Giant Alpecin. Deux Belges débarquent chez AG2R, Oliver Nassen et Stijn Vandenberg. Et puis Dimitri Clijs, 9e du Tour des Flandres cette année, va lui chez Cofidis. En basket, on fait aussi des transferts. Christophe Beguin quitte le Spirou de Charleroi pour retourner à Anvers. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Merci Jérôme, heureusement que vous êtes là pour nous tenir au courant de l'actualité sportive. Ah ben c'est gentil. Je sais pas ce qu'on ferait sans vous. Jérôme, j'ai posé la question à Justine tout à l'heure, je vous la repose à vous aussi. Est-ce que vous savez faire le gorille? Non, je ne sais même pas. Enfin, je suppose que c'est un peu plus viril qu'un autre singe, mais j'ai jamais entendu un cri de gorille. C'est ça? Apparemment, c'est ça le bruit du gorille. Et il y a un auditeur qui va repartir avec des entrées pour Paradise s'il me fait le bruit du gorille au téléphone. D'accord. Vous savez faire un autre animal ou pas? Allez, je vous donne des animaux, vous me les faites. Le canard. Coin, coin. Ça, c'est bien. Le mouton. La chèvre. Je l'ai bien, le mouton. Ouais, le mouton, vous le faites très bien. Un peu plus aigu, la chèvre. Ouais, la chèvre. Ah oui, oui, oui. Je vais y aller, non? On a un chouette nuancier, là. Je vous souhaite une bonne soirée, Jérôme. Si vous faites des fêtes de famille, que vous avez besoin d'un imitateur d'animaux, envoyez-moi un SMS, je vous enverrai les coordonnées de Jérôme en retour. C'était un chouette moment, en tout cas. Oh, bah, je pense qu'il restera dans les archives de Vivacité, celui-là. Bonne soirée à vous, 18h16. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Non mais on rigole, il y a quand même un passe-famille à gagner pour aller à Peridaisa où un gorille vient de faire son arrivée. Le volcan, nouvelle terre, un nouvel espace pour les gorilles a ouvert ses portes aujourd'hui. Qui va y aller? Bah peut-être Stéphane qui est de Bruxelles. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Cyril. Vous allez bien Stéphane? Très très bien. Vous avez bossé aujourd'hui ou vous êtes en vacances? Ah non, j'ai repris le travail depuis lundi, donc vous en faites plein quoi dans les embouteillages. Ah bah courage à vous, vous faites quoi? Je suis chauffeur, vous voyez, c'est les personnes qui sont à l'aéroport avec leurs pancartes et qui viennent chercher les vacanciers pour les ramener chez eux à la maison. Ah oui, et quand on arrive à l'aéroport, on se dit tout le temps, est-ce que la personne va vraiment arriver? Et donc vous avez donc le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous embarquez la personne alors? Exactement, c'est toujours une surprise en fait, une découverte. Est-ce qu'on peut vous tromper? C'est-à-dire que moi je vois que vous êtes là avec votre panneau, c'est pas du tout mon nom, mais je dis j'ai pas envie d'attendre, hop je viens chez vous et vous me déposez. Ça marche ou pas? Ben, ça peut pas marcher dans le contexte que j'ai déjà l'adresse de la destination de la personne. Ah ouais, donc si vous voulez me tromper, vous allez peut-être vous tromper vous et vous retrouver, je sais pas moi, à Bruges, à Anvers, ouais, donc ou, ça sert à rien. Ou à Mont. Ok. Voilà, ça sert à rien, mais merci Stéphane, comme ça j'aurais posé la question. Vous êtes là pour repartir avec un passe-famille à Peridaisa. Pour ça, vous savez qu'aujourd'hui il y a un défi, il faut faire le bruit du gorille. Est-ce que vous avez besoin d'une anti-sèche ou vous avez bien en tête le bruit du gorille? Non, je crois que j'ai bien le bruit du gorille en tête, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça devrait aller. Stéphane, je vous écoute. Allez, on y va alors. Ah oui, vous faites ça vachement bien, dis donc, vous avez déjà été gorille? Non, pas du tout. Mais quand je regarde dans le miroir, j'ai vraiment l'impression de l'être. Hein, parce que... En tout cas, vous faites ça à merveille. Vous repartez avec un pass famille, deux adultes, deux enfants pour aller à Paradise et découvrir entre autres donc, les gorilles. Puis je le rappelle, il y a la porte de la nurserie où était Baby P qui est maintenant ouverte. Donc Baby P peut se balader quand il veut. Donc le public peut maintenant, depuis cet après-midi, voir aussi le bébé panda s'il accepte de montrer le bout de son nez. Donc vous irez vivre ça en famille. Je vous souhaite une bonne soirée Stéphane, à bientôt. Et je vous remercie Cyril et je remercie Vivacité. Avec plaisir, à bientôt Stéphane. Dans un instant, dans le 5 à 7, on va parler des incidents à la télé. Je ne sais pas si vous avez vu ces images qui tournent sur Internet. Avec dans America's Got Talent, hier soir, en direct, une épreuve qui tourne mal. C'est-à-dire qu'il y a une cible qui doit être visée avec une arbalète. Sauf qu'au lieu de viser la cible, la tireuse a visé la personne qui était juste en dessous. Alors heureusement, la personne va bien, il n'y a pas de souci. Avoir été emmené aux urgences, elle a donné des nouvelles, tout va bien, mais donc des incidents comme ça arrive régulièrement en télé. On va en parler avant 19h dans le 5 à 7. Sud Presse aussi nous parle aujourd'hui du prix de la sauce dans les friteries en disant « Oh attention, scandale !» Vous payez 400% du prix de la sauce normale. Est-ce qu'on se fait arnaquer quand on va à la friterie prendre une petite sauce avec notre frite? Qu'est-ce qui fait le prix d'une sauce? Vous aurez la réponse avant 19h. Le Dico Food aussi, tant qu'on parle de cuisine, c'est avec Candice Cotter. Ça arrive dans quelques minutes. Mais avant cette info concernant les médicaments, il y a des médicaments qui sont périmés, qui peuvent être consommés, d'autres qui ne le sont pas. Si vous les consommez après la date de péremption, ils sont toxiques. C'est un article aujourd'hui dans l'ADH qui nous dit, voilà, il y a ces médicaments. Qu'est-ce qu'on en fait finalement? Est-ce qu'il y a un risque si on les consomme? On va en parler tout de suite sur Vivacité avec mon invité ce soir. Juste le temps, pour pas vous cacher, de retrouver le nom, c'est Charles Ronlet qui est avec moi. Bonsoir Charles. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être dans le 5 à 7 ce soir. Vous êtes pharmacien et membre de l'association pharmaceutique belge. Et alors aujourd'hui, donc il y a cet article qui nous parle des médicaments qui peuvent être consommés même s'ils sont périmés. C'est pas dangereux de consommer des médicaments parce que on nous parle de 90% de médicaments qui sont encore utilisables s'ils sont périmés. On peut prendre des risques de les consommer? Effectivement, s'il y a une date de péremption, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Je pense que tout médicament est dangereux lorsqu'il arrive à sa date de péremption. Maintenant, certains le sont plus rapidement que d'autres parce que les dégradations se font de manière différente suivant les produits et surtout suivant la manière de conserver ces produits. Et donc, on est parvenu à un moyen terme de dire la plupart des médicaments, sauf gros problèmes, ont une date de validité d'à peu près 5 années par rapport à leur date de fabrication, parce qu'on sait, d'après les tests qui ont été effectués, que pendant cette durée-là, dans un état de conservation, on va dire standard, même parfois un peu excessif, on peut garantir qu'après ces 5 ans, on a toujours bien 100% du principe actif qui se trouve dans le comprimé. Il y a deux aspects à la dégradation. Il y a une dégradation qui peut survenir dans le temps pour avoir moins d'effets thérapeutiques. Et donc, vous avez un produit qui devient moins efficace, mais qui ne devient pas dangereux. Et puis, vous avez une série de molécules qui, en se dégradant, peuvent fournir d'autres produits qui, eux, peuvent devenir toxiques. Et donc, comme on ne sait pas à l'avance, et on a fait des tests, mais il faudrait faire un test spécifique de durabilité pour chacun des médicaments de manière spécifique. On a pris des moyennes, et les moyennes actuelles sont ce qu'elles sont. Si maintenant on regarde certains produits, il se pourrait qu'à long terme, ils aient encore la capacité d'être actifs à 100% quand bien même la date de péremption est dépassée. Mais de là à prendre le risque de dire « bon, je vais quand même le prendre », on joue pas avec ça. Il faut se poser la question. Oui, voilà, il faut pas jouer, c'est pas des bonbons un médicament, il faut quand même tenir compte de l'aspect du risque. Il suffirait de tomber sur le mauvais et là c'est la catastrophe. Ils deviennent quoi ces médicaments périmés puisqu'on sait qu'on peut les ramener à la pharmacie? Après, ils deviennent quoi? La législation en Belgique, c'est le pollueur-payeur, hein, c'est un petit peu comme Bebat et pour les piles et d'autres choses. Il y a un circuit de récupération des médicaments périmés qui est lié à ceux qui produisent ou qui distribuent ces médicaments. Et donc on a un système régional, environnemental, et on a une convention par région, région wallonne, région flamande, région bruxelloise, pour faire en sorte qu'un circuit de collecte soit mis en place. Le pharmacien récolte les médicaments, les met dans des conteneurs spécialisés, les distributeurs, les grossistes répartiteurs qui sont les distributeurs de ces médicaments vers les pharmacies, les collectent, et c'est l'industrie qui finance la destruction de manière sécurisée de ces produits. C'est un circuit qui existe maintenant depuis quelques années et où on voit effectivement un tonnage régulier. On ne peut pas dire que c'est en nette augmentation par rapport à la consommation. Ça reste à peu près du même ordre de 500, entre 500 et 600 tonnes par an qui sont récoltées comme ça au travers des pharmacies et détruites de manière sécuritaire. Puisque le danger, c'est effectivement de retrouver ce genre de médicaments à la disposition de tout le monde au travers des poubelles. Si vous le mettez en poubelle, ouais. Le sac peut être éventré, n'importe qui, un enfant pourrait avoir accès à des médicaments qui peuvent s'avérer dangereux. Donc il faut un circuit de distribution sûr pour la distribution vers le patient. Et une fois que c'est périmé ou non utilisé, il faut un circuit sûr pour sa destruction. Eh bien, merci beaucoup Charles Ronlet d'être passé ce soir pour nous préciser tout ça. On rappelle donc, on ne dépasse pas la date de péremption une fois que le médicament est périmé, même si pour 90% des cas il n'y a pas de risque, on n'y touche pas, on renvoie à la pharmacie et tout ça sera détruit. Merci beaucoup et bonne soirée à vous, à bientôt. De rien, bonne soirée, oui, bonsoir à tous. Alors les médicaments, on n'en prend pas si on n'en a pas besoin, mais par contre qu'est-ce qu'on peut manger? Un bon petit plat de candiscotaire, c'est le Dico Food comme tous les soirs, une lettre, une recette. Dico Food, Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food ce soir va s'arrêter à la lettre H. On va travailler le haricot blanc. Alors, le haricot blanc, légumineuse, on se dit « Oh, je ne sais pas comment faire, gnagnagna ». Non, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et ici, en plus, on va le préparer version sucrée, ce qui est toujours intéressant parce que ça vous permet d'avoir des desserts santé, moins sucrés, moins gras, parce que vous avez déjà une texture que seul, a priori, l'ajout d'œufs ou de matières grasses ajoute à un gâteau. Et bien là, ici, c'est le haricot qui va prendre toute son ampleur et qui va vous permettre d'avoir quelque chose de suffisamment dense tout en restant moelleux. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on vient chercher cette légumineuse, en ayant finalement une quantité de protéines végétales intéressantes à grignoter, surtout si vous avez des enfants à faire manger. Ça cache de la légumineuse, c'est bon. Mentir sur la légumineuse est un extrêmement bon mensonge. Donc vous pouvez vraiment y aller à l'aise. Là-dessus, 800 g de haricots blancs, je prends des cannellini, vous prenez en gros deux conserves de 400 g, rincez et goûtez, c'est votre base. Je prends des flocons d'avoine, 100 g, j'ajoute des carottes râpées, des petits raisins secs, 170 g de carottes râpées, 100 g de raisins secs, et des noix de pécan. Là-dessus, on va s'ajouter un peu de cannelle et ça va vous faire le muffin esprit breakfast, quoi. Voilà, le petit déjeuner un peu sympa, santé, où il y a un peu de l'orange, de la carotte, sans que son goût ne ressorte trop, ça ne va pas déranger les enfants. En même temps, vous avez un crack de noix, les petits raisins secs qui sont passe-partout et qui ajoutent de la texture et de la saveur au muffin. On est dans quelque chose de très intéressant. 4 gros œufs. Et au niveau de la matière grasse, on en a très peu. On a 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et c'est tout. Donc c'est un muffin sans beurre. La seule chose, c'est qu'on va s'ajouter, pour le sucrer davantage, du sirop d'érable. C'est avec du sirop d'érable qu'on va sucrer et ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va rester très moelleux, qui ne va pas durcir comme le ferait du sucre, durcir votre petit muffin. 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. Je mets un peu d'extrait de vanille, je mets le zeste d'une orange, j'ajoute donc la cannelle dont on a parlé et je mets également un petit peu de levure chimique, 2 cuillères à café. Il n'y a rien à faire, ça reste du gâteau qui doit monter, qui est lourd en plus avec les noix de pécan, donc n'hésitez pas à ajouter de la levure chimique. Un four qui préchauffe à 170. Vos haricots blancs sont rincés et égouttés d'un côté, nickel. Vous prenez vos noix de pécan et dans les 80 g de noix de pécan dont vous avez besoin, vous enlevez 12 noix de pécan qui vont servir de top déco sur vos petits muffins, puisqu'on va faire 12 muffins avec ces quantités. Donc le reste, vous les émincez grossièrement et vous réservez 12 noix pour la déco. Vous chemisez 2 moules à muffins à 6 cavités, donc le moule de base, vous en prenez 2 puisqu'on va en faire 12, et vous mettez des caissettes en papier. N'ayez pas peur que la caissette en papier noircisse, brunisse, accroche, soit pas belle à la sortie de la cuisson, ce qui peut être le cas. Ici, vous avez un muffin qui cuit rapidement, donc vous allez avoir une caissette qui va garder sa couleur même si elle est blanche, et vous allez avoir quelque chose qui sera joli à servir. Dans un cul de poule, vous mettez vos haricots, les flocons d'avoine, vos 4 œufs, l'huile, le sirop d'érable, la cannelle, l'extrait de vanille, le zeste, en gros tout, sauf les noix, les carottes, les raisins. Et la levure chimique.

que devrait afficher l'équipe. Pour cela, on jugera lors du prochain match des Diables, un match amical le 1er septembre contre l'Espagne, son pays d'origine. Et puis Olivia Borlée sera demain la porte-drapeau de la délégation belge pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Le succès d'un livre aurait-il entraîné la mort de plusieurs milliers de personnes en France et en Belgique? L'université de Bordeaux accuse un livre publié en 2012 et intitulé « Des médicaments utiles, inutiles et dangereux » d'avoir incité des milliers de patients à arrêter leur traitement anti-cholestérol, autrement dit la prise de statines. Pour le professeur Evin, l'un des auteurs de ce livre, l'industrie pharmaceutique a gonflé artificiellement la réalité d'une vraie maladie pour augmenter ses ventes de statines. Des accusations qu'il maintient, nous l'entendrons à 19h. Merci Franck, on vous retrouve donc tout à l'heure à 19h. Un petit coup d'œil à la météo, ça dit quoi? Eh bien pour cette nuit, que les dernières ondées vont disparaître dans le courant de la soirée et de la nuit, mais que le ciel restera chargé et les minima iront de 10 à 14 degrés. Pour demain, les nuages seront encore nombreux. Alors très localement, on n'exclut pas à nouveau quelques petites gouttes. Et dans l'après-midi, un soleil plus franc reviendra par l'ouest, c'est chouette. On aura droit à de belles éclaircies au littoral. Et vers l'est, on gardera un petit risque d'ondées, mais généralement, le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux. Les maxima resteront bloqués entre 17 et 22 degrés. On part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. Antoine Binamé, que se passe-t-il? Toujours des ralentissements sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure. Grand Bigard au titre, plus 10 minutes. Et en circulation extérieure également, Zaventem Grand Bigard, vous perdez également une dizaine de minutes. Des ralentissements liés à des travaux sur le 40 Bruxelles-Ostende. C'est à Herpemer. Vous ralentissez depuis Alost, plus 25 minutes vers Ostende. Répercussion sur la N9 depuis Wetteren, plus 30 minutes là aussi vers Ostende. Et puis a priori, toujours ce véhicule signalé en panne. C'est sur le 19 Bruxelles-Anvers, dans un chantier à hauteur de Rumst. Bande de gauche neutralisée en direction d'Anvers. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Dans un instant, on viendra sur un incident qui s'est produit hier en direct à la télé pendant l'émission America's Got Talent. L'idée était de viser avec une arbalète une cible, sauf que l'arbalète, la fléchette n'a pas atteint la cible, mais a atteint la personne qui était juste en dessous. Vous savez qu'il y a souvent des tours que l'on voit à la télé avec par exemple une pomme qu'il faut viser. Ben là, c'était exactement ce genre d'exercice hier, sauf que ça a mal tourné, la fléchette a terminé dans la personne qui était juste en dessous. Heureusement, cette personne va bien, mais on fera un tour des incidents télé et on verra comment sont gérées les émissions en direct où il est possible que ce genre d'incident se produise. On y revient dans quelques minutes. Mais avant, parlons deux secondes de sport avec la Pro League. Vous le savez, deuxième journée de Pro League ce week-end. Et Moucron qui accueillera Charleroi, non pas avec un speaker dans le stade, vous savez, la personne qui met l'ambiance, qui présente les joueurs et tout ça, mais deux. C'est la première fois que ça arrive. On va en parler avec Jean-François Servet, qui est justement speaker du Sporting de Charleroi. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Cyril. Ça va bien Jean-François? Ça va très bien. Alors on se prépare pour le match de samedi. Charleroi qui va donc à Moucron. Et cette première expérience de speaker pour un même match, de speaker des deux équipes opposées justement. Alors comment ça s'est mis en place ce projet? Il faut savoir qu'avec Michel qui est le speaker de Moucron, qui est d'ailleurs originaire de Charleroi, ben on est très liés depuis des années. Et il avait déjà émis cette idée l'an dernier. Qui n'avait pas été approuvé à l'époque, mais faut savoir avec entre Moucron et Charleroi, il y a forcément une rivalité sportive, mais il y a aussi une belle amitié, un grand respect, je pense aussi entre les supporters. Et donc voilà, on nous a réunis pour un article de presse cette semaine et on nous a proposé et on s'est dit tiens, on va relancer l'idée. Et la direction de Moucron a accepté, étant entendu qu'on va le faire ce samedi pour le match Moucron-Charleroi, mais qu'on le fera évidemment avec plaisir pour le match retour aussi, puisque bon, c'est un derby wallon, mais c'est d'abord et avant tout la fête du foot. Et les supporters donc le prennent bien, ce genre de choses? Il n'y a pas de... Parce que l'idée c'est quand même de gagner, donc il n'y a pas une petite compétition entre supporters quand on va dans le stade, quand on est accueilli, quand on est visiteur. Généralement, on ne réagit pas forcément à ce que dit le speaker local. C'est pas le même partout, hein. Il y a d'autres rivalités entre les clubs, mais je le dis encore une fois, que ce soit Moucron-Charleroi ou Charleroi-Moucron, je me souviens d'un match il y a deux ans où Charleroi fêtait sa qualification pour les play-offs en même temps que Moucron fêtait son maintien en en division 1, il y a eu une belle communion entre les deux groupes de supporters. Et je pense que voilà, ici on est en début de saison, c'est le bon moment. Charleroi a eu la chance de commencer par une victoire, Moucron pas. Mais voilà, je pense que c'est la deuxième journée du championnat. Tout le monde est encore dans les starting blocks et chaud pour ce début de saison. Et je pense que ça va très bien se passer. C'est en tout cas mon souhait le plus cher est celui de mon ami Michel qui est speaker à Moucron. Ce serait possible avec toutes les équipes, ça, Jean-François? Non, Cyril, ça non. Ça, je peux dire que non, à mon avis, ça pourrait être très compliqué. Mais bon, l'idée, c'est pas de généraliser parce qu'effectivement, chaque club a son ambiance, a son stade. Et puis, on reste. Il y a de moins en moins de speakers qui font l'animation comme ça sur le terrain. Après, on est là pour mettre l'animation, mais comme on l'a dit tous les deux, on se prend pas pour le David Guetta ou la star américaine qui vient faire son show. Les gars qui font le spectacle dans le stade, c'est d'abord et avant tout les joueurs sur le terrain, et c'est les supporters qu'on veut entendre. Après, je pense que ça se passe bien avec Michel, entre Michel et les supporters de Moucron. Moi, ça se passe très bien avec les supporters de Charleroi, avec qui d'ailleurs je vais faire le déplacement en quart jusque là-bas pour participer au maximum à la fête. Donc je pense que ça, tout est réuni pour que ce soit une belle fête, et il reste à espérer qu'on ait un beau match avec beaucoup de buts, évidemment. Ah une victoire pour Charleroi, en tout cas c'est ce que vous espérez, et Michel, le speaker de Moucron, espérera une victoire de Moucron, je suppose. Oui, effectivement. Donc, si on a un beau match avec des buts, que tout le monde s'amuse et que finalement, là, au bout du compte, personne n'est battu, je pense que il y aura des raisons aussi de faire une belle troisième mi-temps. Que ça, je peux vous dire que et Michel et moi, on est spécialistes dans le domaine aussi. Et on sait que certains supporters peuvent vous suivre dans ce genre de fête. Mais merci Jean-François et bon match samedi, que tout se passe bien à Moucron. Et en tout cas, c'est agréable de voir deux équipes qui s'entendent bien comme ça et qui peuvent monter des projets ensemble. C'est pas le cas partout. Merci Jean-François, à très bientôt. Merci Cyril, à bientôt. 18h39, voici le Pop Story. Tous les soirs, c'est l'histoire de vos hits racontée par Marc Toesca. 5 à 7, avec Cyril. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Il y a tout juste 20 ans, la chanson « Killing Me Softly With His Song » explosait une nouvelle fois les charts planétaires grâce à une reprise signée des Fugees. Mais la chanson a déjà une longue histoire. Elle est enregistrée une première fois en 1972 par Lori Lieberman, jeune chanteuse folk californienne, grandie en Suisse, dont un de ses poèmes est à l'origine du texte définitif. C'est un an plus tard seulement que Roberta Flack se l'accapare pour en faire ce grand classique de la pop. Classée numéro 1 en 1973, la chanson sera adaptée dans le monde entier. Et qui s'y colle chez nous, je vous pose la question? Dieu m'a parlé, mes frères. Il m'a dit, Gilbert, fais chanter mes brebis. C'est Gilbert Montagnier qui la glisse en face B de son 6e 45 tours et ça donne... Elle chantait ma vie en musique. Je revoyais l'Amérique, elle me rassurait si doucement, elle touchait mon cœur si tendrement, elle m'emportait loin du présent. Parmi les reprises iconoclastes de Killing Me Softly, on pourrait citer la version en italien d'Amory Vassili, notre plus jeune ténor du monde qui nous la ressort dans un style des plus personnels et, comment dirais-je, audacieux. En italien, ça donne « Mi fa morire cantando » dont l'adaptation de la ravissante et légendaire Ornella Vanoni date de 1973. « Mi fa morire cantando, mi fa morire cantando, e la mia vita che ascolto mi fa morire. Backstory. On ne compte plus depuis longtemps les reprises de ce grand classique de la pop. Frank Sinatra, Alicia Keys, Didi Bridgewater ou les Jackson 5 l'ont un jour emprunté. Mais c'est avec les Fugees et en pleine révolution rap et R&B que Killing Me Softly With His Song retrouve les sommets des charts et des tops planétaires. C'était il y a tout juste 20 ans. I heard he sang a good song. I heard he style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Un peu partout dans le monde, il y a tout juste 20 ans, 1996, les Fugees, Killing Me Softly With His Song. Pop Story. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler. Mais savez-vous que chez BNP Paribas Fortis Private Banking, vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui s'engagent de façon durable? Par exemple, dans des parcs éoliens qui produisent de l'énergie verte. De plus, un investissement écologique peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. De 13h à 15h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité. Comment entretenir les relations amoureuses, professionnelles, amicales, les relations à distance? Nous en parlions ce jeudi dans l'été du bon côté, une émission à retrouver dès à présent sur notre site internet. Vivacité, ma radio complicité, aussi sur rtbf.be/ovio. 18h44 sur Vivacité, dans 16 minutes précisément, c'est le Tip Top, la quotidienne qui arrive. Retour forcément, comme tous les jours, sur le classement de samedi. Des petites pépites aussi à découvrir qui sont pas encore dans le classement et qui feront peut-être leur entrée. Et puis Julien Peretta qui sera là ce soir aussi. Je vous rappelle aussi au passage que Julien Peretta sera sur la scène du BSF, le Brussels Summer Festival. Ce sera le 13 août qu'il y sera. Si vous voulez réserver vos places, bah dépêchez-vous parce qu'il n'en reste plus énormément. Il y a toutes les infos sur vivacité.be et donc le Tip Top arrive sur Vivacité avec Bernard Dewey dès 19h. Jusqu'à 19h, 5 à 7. On va parler d'un gros stress qui a eu lieu hier à la télé aux États-Unis, America's Got Talent, émission en direct et une épreuve où une candidate veut montrer ses performances de tir à l'arbalète. Il y a une cible à viser et quelqu'un tient cette cible, un humain. Sauf que problème, la cible n'est pas atteinte et l'arbalète, la fléchette va dans la personne qui a été emmenée aux urgences et cette personne a donné des nouvelles. Heureusement, tout va bien. Mais tout ça a été montré en direct, tout ça s'est vu à la télé. Ce genre d'incident, comment est-ce qu'on peut le gérer et qu'est-ce qu'il y a eu comme incident déjà dans l'histoire de la télé? On va en parler avec Pierre Bertinchamp, spécialiste des news médias pour Télépro. Bonsoir Pierre. Bonsoir Cyril. Vous avez vu cette vidéo? J'ai vu, oui. Quand on voit cette flèche qui va dans la personne, on a quand même un petit... Ouh, on n'a pas envie d'être à la place de la personne quand même. Hein. On a mal pour lui, comme on dit. Exactement. Alors je le précise, hein, cette personne va bien. Elle a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux après l'émission. Qu'est-ce qui est mis en place quand on est sur une émission en direct pour gérer ce genre d'incident? Ben, en France, il y a d'office quand il y a du public, les pompiers qui sont là. Chez nous, c'est pas forcément le cas dans les émissions normales, mais dans le cas de Got Talent, il y a toujours les pompiers au cas où, puisqu'on sait qu'il peut y avoir, à partir du moment où la production sait qu'il peut y avoir ce genre de spectacle, forcément, elle prévoit un service de sécurité, mais c'est pas systématique. Il n'y en aura pas de voice, mais il y en aura, par exemple, à Got Talent, où il y a eu ce genre de spectacle, même en Belgique, par exemple. D'accord. Ce qui est une différence, donc, par rapport à la France, puisque sur The Voice, en France, il y a aussi un service. Comme vous le disiez, oui. À partir du moment où il y a un public, il y a des secours qui sont sur place. Il y a déjà eu des incidents comme ça. Alors, on se souvient, vous parliez de Got Talent dans la version française. Il y a aussi eu un incendie, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques temps. Il y a eu un incendie en Belgique. C'était dans la deuxième saison, je pense. La première saison de Got Talent, il y avait... Il y avait un spectacle aussi avec des feux, enfin des feux d'artifice. Là, ouais. Voilà. Et le décor a un peu pris feu. Heureusement, il y avait des pompiers qui l'ont vite éteint. Il n'y a pas eu de blessés. On n'a pas fait évacuer la salle, je pense. Elle est dangereuse, cette émission, alors. Apparemment, c'est. Mais le concept, c'est vous venez, vous avez du talent, vous faites ce que vous voulez. Donc si le gars il veut avec le feu, ben il brûle. Ouais. Bah, dangereux comme émission. Alors en dehors de Got Talent, il y a eu aussi des trucs assez fous dans l'histoire de la télé. Plus récemment, il y a eu en Pologne une espèce de jeu de magie où on avait mis des sacs en papier avec dedans un clou, et normalement la personne qui devait écraser le clou ne le sentait pas. Je suppose qu'il rentrait comme un couteau qu'on utilise au cinéma. Donc ici, ouais. Le jeu, c'était que la présentatrice devait écraser le clou. Elle l'a fait, mais le clou n'est pas rentré, donc il a transpercé sa main. Oh. Et elle était emmenée à l'hôpital, c'était en début juillet. C'était en Pologne. Oh là là là là, ça fait mal rien que de vous entendre parler. On a l'image du... Et quoi, le clou tenait dans sa main alors? Oui. Oh là là là là, c'est dégueulasse. Je me souviens d'un truc quand j'étais petit, moi. Je regardais, c'était, je crois que ça s'appelait 40 degrés à l'ombre. Il y avait une histoire avec Marie-Ange Nardi. Là, c'était un peu différent. Il présentait à chaque fois des animaux un peu insolites dans l'émission. Et je pense que Marie-Ange Nardi pensait que le lion était apprivoisé et qu'il allait accepter qu'elle l'approche. Elle l'a approché. Malheureusement, le lion, on ne sait pas ce qu'il peut faire quand il voit arriver quelqu'un. Et là, il a tendu la et a griffé profondément l'animatrice qui a disparu de l'antenne pendant assez longtemps. Et je pense qu'elle était forte. Enfin, on l'entendait crier parce que forcément, c'est en direct. Donc, on ne sait pas forcément couper comme on veut sur toi. C'est ça, ouais. Et elle criait pendant que le chroniqueur essayait de tourner l'attention de la caméra, mais bon, on lance pas une pub sur France 3 comme on pourrait le faire maintenant, donc c'était un peu compliqué. Je me souviens de ça, j'étais en vacances, je regardais, j'étais traumatisé, je me disais, mais le lion l'a mangé, ça y est, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a bouffé. Ah, c'était impressionnant, vous imaginez, quand on est petit, on voit ça, c'est impressionnant un lion. Vous n'avez jamais été griffé par un lion, vous? Non, heureusement. Vous avez envie? Et vous? Non, bah, moi non plus. Ouais, alors un jour sur une émission de radio, on m'a amené un puma. Et je peux vous assurer qu'à un moment, le puma, c'était une émission en public, le puma vient à côté de moi et le puma pose sa main sur ma jambe. Sa patte, parce qu'il n'a pas une main, il a une patte. Et ben rien que ça, je faisais pas le malin. Je veux dire que j'ai pas bougé, j'ai attendu que le dresseur récupère son puma et le mette bien loin de moi. Parce que rien que la patte du puma, vous dites, s'il a juste un ongle, un moment, ou juste une petite chatouille, un truc où il a sa patte qui bouge, on se dit, oh, ça me chatouille, je bouge un petit peu, il m'arrache la jambe, le puma, tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas envie de tester ça avec un lion. Mais merci Pierre pour ces petites histoires. Je vais partager la vidéo de ce qui s'est passé dans America's Got Talent sur la page Facebook de l'émission, comme ça vous verrez exactement de quoi on est en train de parler. Merci Pierre, je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir. 18h50 sur UACT. Et les enfants de cœur qui arrivent dans un instant, mais avant, il faut que je vous parle d'un article qui était dans Sud Presse aujourd'hui. 5 à 7. Ça parle des sauces dans les friteries où on nous dit que les sauces qui sont vendues 70 centimes dans les friteries, quand vous achetez votre paquet de frites, eh bien en fait, elles coûtent à peine 10 à 15 centimes au propriétaire de la friterie. Alors, l'idée de cet article, c'est de nous dire, attention, vous achetez vos sauces super, super chères. On va en parler des sauces, justement, ce soir, dans le 5 à 7 sur Vivacité, avec quelqu'un qui connaît particulièrement bien le sujet des sauces. C'est la société Diden qui est avec nous ce soir sur Vivacité. Michel Diden, qui est CEO de la société, justement. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir monsieur. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Petite question, merci. Michel. Oui. Déjà, qu'est-ce qui fait le prix d'une sauce? Le prix d'une sauce, il est composé de plusieurs ingrédients. Il y a déjà donc, dans le cas des sauces, il y a bien l'huile de colza, ouais. Il y a les jaunes d'œufs, il y a les épices, il y a le sel, le poivre, mais les gros éléments, c'est l'huile et les jaunes d'œufs. Donc c'est ça qui coûte le plus cher dans la sauce? Dans le contenu de la sauce, oui. Ah, bon, oui, évidemment, il y a le coût de production, il y a bien sûr l'emballage, si c'est un bocal, il y a le bocal, il y a le couvercle, il y a l'étiquette. Mais je veux dire, dans le contenu de la sauce, ce sont les deux gros paramètres qui constituent le prix, quoi. Ça vous choque, vous, quand dans une friterie, le propriétaire achète 15 centimes la sauce, il la revend 70 centimes? Vous trouvez que c'est trop de marge ou pas? Je suis un petit peu étonnée des prix que vous annoncez, donc je ne peux pas vraiment donner mon avis par rapport à ça. Donc je ne connais pas leur marge, donc je ne vais pas m'immiscer dans ce débat. En tout cas, c'est fait une page entière dans les éditions de Sud Presse aujourd'hui pour nous dire attention, vous payez super cher vos sauces. J'en profite que vous soyez là, parce que peut-être que ce soir, il y a des gens qui préparent un barbecue, il n'y a pas de la pluie annoncée de partout. Vous avez des nouvelles sauces qui changent justement. Quand on a l'habitude de prendre la friterie, la mayonnaise, l'andalouse et tout ça, on est sur tout à fait autre chose avec vous. C'est des confits carrément, un confit pour hamburger. Je voulais absolument qu'on en parle parce que ça, rien que de voir la photo, ça donne envie. Oui, tout à fait. Ben voilà, on les a sortis en fait au printemps. C'est un confit qui s'associe vraiment bien sur un hamburger. Donc, quand vous grillez l'hamburger, vous pouvez le chauffer. Donc, en fait, vous prenez à peu près, si c'est un hamburger de 150 grammes, vous prenez 30 grammes de confit. Ouais. Vous le chauffez, vous le mettez sur l'hamburger. C'est vraiment très, très bon. Ça vous change justement d'une andalouse, d'une samouraï ou... Voilà, d'une sauce comme ça. Et donc, ça peut se manger aussi bien froid que chaud. Mais c'est vraiment des bons oignons caramélisés. C'est très sympa. Oh là là là là, rien que de parler d'oignons caramélisés, d'hamburgers, tout ça, ça donne faim, là, tout ça. On a aussi, dans le même style, on a une tomate chili, un confit tomate chili, en fait, qui est un peu plus aigre piquant, qui est très bon avec l'hamburger, ou sinon avec des petits cubes, des brochettes de poulet. C'est vraiment très bon aussi. Ah bah là, ça donne des bonnes idées pour le barbecue de ce soir, ça. Tout à fait. Eh bah, merci pour vos précisions et pour nous avoir donné faim, tout simplement. Merci, en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée, Michel. Merci, à bientôt. Vous aussi, là-dessus, le temps de réfléchir à où vite aller chercher un petit peu de viande pour aller faire un hamburger et ajouter cet excellent confit, on va retrouver les enfants de cœur avec Cody qui passe souvent voir les enfants de cœur. C'est le best-of pendant tout l'été dans le 5 à 7. Les enfants de cœur. Enfants de cœur. Je nage dans le bonheur. Alors, vous le savez, il y a récemment des tas de chefs et des chefs d'État se sont réunis à Paris pour se poser des questions comme qu'en est-il de ce fameux trou dans la couche d'ozone ? Autour de ces questions, la tension monte en flèche. Hein, la tension monte en flèche plus vite qu'une érection communale sur une aire d'autoroute. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... Ça fait rire à Christophe. Évidemment, le problème, c'est qu'il n'y a pas que la tension qui monte, il y a les océans aussi. Alors, que faut-il savoir ? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais on a déjà une preuve ici que la Terre est une femelle, hein, puisqu'elle est diablement féconde, puisqu'elle perd ses os de plus en plus. Et qu'elle devrait aussi nous accoucher d'un petit monstre déjà baptisé COP21. Alors, pour les contemplatifs ascendant légumes dans mon genre, eh bien, la COP21, je dois avouer que j'ai bêtement caressé l'idée que c'était une coupe de football pour des joueurs dont le QI n'atteint que 21. Mais bon, je me suis dit, ça existe déjà. Et je crois que l'équipe de France est à la tête, donc... En plus, je n'avais pas grand-chose d'autre à caresser à ce moment-là. En réalité, la conférence sur le climat à Paris, sous l'égide de l'ONU, c'est tout autre chose. Imaginez une avenue où les égouts sont à ciel ouvert, où tout le monde fait son gros caca en silence chaque jour, en lâchant de joyeux étrons dans ce vaste réceptacle. Bon, on va en rester là. Hein. Sauf que la canalisation, au bout d'un moment, ben, ça sature, ça déborde et menace de péter. Et donc, hop là, il faut faire une réunion avec des responsables de l'avenue, avec pour thème, dites donc, quelle ambiance de merde. Oui. C'est qui va ? En gros, voilà, voilà ce que j'ai compris de la COP 21. Voilà. Alors, tous les gros pollueurs sont là, les Chinois, les Américains en tête. Des milliers de personnes ont investi le Bourget à tel point que l'addition de leur propre rejet d'hydrocarbures personnel correspond à l'empreinte carbone d'un jour à Pékin. Et encore, Maggie de Bloch n'y est pas. Ce qui nous permet de marcher encore au sec sur la digue à Ostende. Facile, facile. Le grand thème de ce rassemblement, c'est détendre l'atmosphère. Et pour cela, réception, dîner, petit four de chef étoilé, after party au Crazy Horse, où la légèreté des tenues fera largement dépasser la température de ces foutus 2 degrés. Dans son discours, le président chinois l'a bien rappelé. Qu'on peut traduire évidemment par « chacun sa merde ». Et en plus, vous pétez aussi bande de nazes. Sauf que la COP21 est annoncée comme la vraie grosse réunion de la dernière chance et que tous les chieurs doivent faire un effort et pousser plus loin leurs mesures. Pour faire simple, si chaque pays pouvait ramasser ses déjections comme le fait Jean-Michel de Bénézet avec son chien Helmut, quand Helmut le promène... Ça éviterait qu'on marche dedans et que même si ça porte chance, ça nique nos semelles et on en met partout. Amis de la poésie, si la Terre est une femme, respectons-la, soyons gentlemen, soyons fair play.